c'est bienvenu. Ouais, c'est ouais. Excellent. Youpi. Yes. 4 micros décédés en très peu de temps. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Floodcast, le 14e, je crois, de la nouvelle saison. Déjà, c'est le mirage. Toujours, comme d'habitude, 4 invités autour de la table. Je vais faire le tour des présentations. Nous sommes avec Ornella Fleury. Yes. Bonsoir, bonsoir. Ornella, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Eh bien, je m'appelle Ornella Fleury. Ah, c'est voilà. Très succinct. Yes. Ça vous fait plaisir ou pas? C'est très succinct. Vraiment. Eh bien, je suis comédienne. Comédienne. Tout à fait. Où est-ce qu'on a pu te voir précédemment dans ta vie, par Matrix. Exemple? Matrix. Alors, précédemment dans la vie d'Ornella Fleury, vous m'avez vu dans Le Grand Journal. Oui, c'est ça. Tu qui s'est arrêté, d'ailleurs, oui. Bien sûr. Bah, oui. J'ai clôturé Le Grand Journal. Et j'étais donc, oui, Miss Météo au Grand Journal. D'accord. C'est, voilà. Tu as fait un peu de scène aussi? J'ai fait de la scène. J'avais un spectacle également qui s'appelle Ornella Fleury. Parce que j'ai très peu d'ego. Ouais, c'est ça, tu t'es pas cassé le cul sur le titre, bien hein, on évidemment. Peut le dire. Ouais. Et j'ai fait également du théâtre avec Philippe Lelouch et Gérard Darmon l'année Mais dernière. Bien sûr. Comment s'appelait la pièce? Tout à refaire. Tout à refaire. Voilà. Très bien. Nous sommes également avec Jérôme Niel. Ouh. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Jérôme Niel, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Eh ben, je suis également comédienne. J'ai aussi fait Le Grand Journal. Ah ben oui, c'est ouais. Fou. Et tu étais Miss Météo également? Presque. Miss Picrine. Voilà. J'allais le dire. Ben oui. Yes. J'avais un bonbon dans la bouche. Ouais, c'est trop bien. Voilà, comédien, auteur, avec Internet, avec la télé et un tout petit peu au cinéma. Ben oui, dans récemment. Matrix. Dans Matrix. Voilà. Nous sommes avec Gaël Mektoub. Yes, yes. Bonsoir. Fils de pute. Waouh, putain. Quoi, c'est... Quoi non, rien. Non, c'est Jérôme. C'est dehors. J'ai rien dit. Gaël, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Bonsoir, je m'appelle Gaël Mektoub. Je m'appelle Gaël. Je prends ma voix de radio. J'ai fait un spectacle qui s'appelle Gaël Mektoub au théâtre avec Gérard Darmon. Et Dans la Matrice. Dans le reboot de Matrice, qui n'est pas encore sorti. Et comédien, auteur, et je fais des vidéos sur Internet depuis longtemps. Et de la musique? Et de la musique aussi, avec mon groupe Jolamouk. Oui. Et voilà, je suis content d'être là. Ah ben, moi, je suis très vraiment. Content que tu sois là. Oui, merci beaucoup, Gaël. J'ai envie de rire et de partager ce moment. Waouh, tu mets la pression tout de suite. On ne rit pas toujours. Hein, et je mange un bout de fromage. Ok. Oui, on remercie d'ailleurs notre sponsor, Carrefour Market. C'est faux. Bonsoir. Très peu d'argent. Nous sommes avec Adrien Méniel. Oui. Un invité de marque. Hein. Arrête de gueuler. Adrien Méniel, le sniper de exact. L'émission, le Laurent Baffy de Montyrie Ardisson. Affreux. Adrien, est-ce que tu peux te représenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être alors, pas? Alors, déjà, je représente le vrai hip-hop. Ah oui, c'est ça. Avant oui, non, mais de voilà. Représenter moi. Et ça, c'était déjà le truc à préciser. C'est important. Comme tout le monde, auteur, comédien, je ne vais pas refaire la blague. Je dis pareil qu'Ornella, très drôle. Bah, ouais. Wow. Mec, mais il fallait bien que quelqu'un le fasse. Il y a une vibe horrible dès le début. Ouais. Vous voyez pas, mais je fais des clins d'œil. Parce qu'il est un peu espiègle, mais en fait, c'est dans la camaraderie, donc tout va bien. Allez. Bon, en tout cas, je suis très heureux que vous soyez tous là autour de la table. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Les gens ne le savent pas, mais j'habite très loin dans Paris. Oui. Et c'est toujours faux. Agréable de venir jusqu'à chez moi. Sauf si vous habitez... près de chez moi. Près de chez toi. J'allais dire l'adresse, il va falloir que je... Non. 35 rue... Je laisserai juste le 35 pour que les gens puissent faire une petite enquête. Ouais, alors que des bips, ça va être insupportable. Ça va être le début de l'émission. Ouais. Mais les gens qui resteront seront très heureux de rester. Comme d'habitude, dans cette émission, nous allons ouvrir avec les trucs que nous avons vus, lus, écoutés. En tout cas, les choses qu'on a appréciées culturellement récemment. J'ai envie de commencer, Gentleman Oblige, par Gaël. Oui, ouais, voilà, Gaël, bonne idée. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as aimé récemment, s'il te plaît? Alors, écoute, j'ai vu une question sur Twitter qui abordait la série Ozark. D'accord. Sur Netflix. Je ne sais pas si vous connaissez Netflix, c'est une plateforme de vidéos américaine. Moi, je suis allé concurrente aux Arcs. De Canal+, pardon. Moi aussi. L'hiver dernier, je suis allé aux Arcs, oui. Ah oui. Ouais, moi aussi, ouais. Oh, putain. Il y avait des Indiens, enfin bon. Et je sais pas la si des gens autour de la table ont vu cette série Ozark. Non. Je l'ai vu chez moi. Personne ne l'a tenté. Non. Je l'ai vu chez alors moi. Alors pitch-nous. Elle est bonne. Eh bien, c'est fantastique. Ah, et je vous la conseille est-ce fortement. Que tu peux nous dire en deux de quoi deux ça parle ce que ça raconte? Alors, ça raconte l'histoire d'un comptable. Fin d'émission. Non, ça raconte l'histoire d'un comptable qui est joué par Jason Bateman. Oui, je sais pas si vous voyez ce comédien fantastique. Bien sûr. Qui non, t'as cherché Adrien, t'as rien trouvé. Arrested Development. Oh, joli. Oui, tout à fait. Dans ta gueule. Et je trouve que c'est son meilleur rôle jusqu'à ce jour, parce que d'habitude, il fait souvent des seconds rôles un peu effacés, gnagnagna. Et là, vraiment, il porte la culotte, comme on dit. Comme Ornella, avec cette belle salopette. Bien sûr. Et c'est fantastique. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un comptable qui blanchit l'argent des cartels mexicains. Tiens donc. Et il se passe un truc au premier épisode que je ne pourrais pas dire, sinon ça spoil. Et il est obligé de s'exiler dans la région d'Ozark, qui est un énorme lac aux États-Unis, dans je ne sais plus quel coin. Et en fait, il va essayer de blanchir l'argent. Il a genre un mois pour blanchir 5 millions de dollars. Ouais, c'est Breaking Bad, c'est copié. Tout à fait. Ah, d'accord. Mais vraiment. C'est assumé. Tous les épisodes, l'arche narrative est exactement similaire. Et là, les mecs meurent au même moment. Et l'acteur est joué par. Enfin, le comédien principal, c'est Bryan Cranston en plus. C'est vraiment le même comédien. Oui, et qui commence en slip, première scène, en slip à côté d'un camping. Juste une question, est-ce que tu n'as pas regardé par inadvertance Breaking Bad au lieu de la série que tu voulais voir? Je crois que je me suis trompé. Je me suis mélangé les pinceaux dans les lunettes. Effectivement, vu qu'elle est aussi sur Netflix, en diff. C'est Breaking Bad. Et voilà. Non, c'est faux. Oui, non, c'est très proche, mais il y en a eu plein finalement. Non, ça mélange les Weeds. Il y en a eu plein des séries sur la drogue. Il y en a eu plein. Ganja Smoker. T'inventes. Non, c'est vraiment chouette. Et je tiens à préciser. Drogman. Joinville. C'est vrai, Joinville. Et en plus, il réalise certains épisodes, le bon Jason. Le Jason. Donc autant dire qu'il est vraiment très investi dans cette série. Que c'est un petit peu sa série chouchou. Donc c'est la première saison, ça vient de commencer ? Oui, première saison intégrale et c'est très bien écrit, c'est très bien réalisé. C'est assez trash sur certains trucs. Les personnages, c'est un peu dans un monde redneck, tu vois. D'accord. Amérique profonde. Donc voilà, ça c'était mon kiff récent, c'était Ozark la série. Très bien. Ozark, et c'est combien de combien d'épisodes ? Oui. Combien d'épisodes ? Combien de ? Il n'a aucune question. 8 épisodes de 52. Et je parlerai de mon coup de cœur musical un peu plus tard. Oh oui, je pense qu'on le mettra à la fin de l'émission. On terminera sur cette jolie chanson. C'est du rap ? Ok, non. Adrien ? Il n'y a pas que le rap dans la vie, Adrien. J'ai du mal à envisager, mais c'est vrai. Alors moi, c'est un truc, c'est tout frais. Hier, je suis allé à un plateau de stand-up à Paris. C'est pas vrai. D'accord. Qui s'appelle le One More Joke. C'est dans le bar One More, dans le 11e. Un bar à chicha. Mais pas du tout. Okay, il n'y a pas que j'ai... la fumette, Gaël. Ok. Tu marques un point. Non, et c'était vraiment très très bien. Il y avait Guillaume Malicène, Joseph Roussin, Rémi Boys, il y avait Shirley Soignon qui était. Il y avait Seinfeld, j'entends. Il y avait Seinfeld. Ouais. Qui faisait des blagues de Louis C.K. par contre. Ah oui, d'accord. Donc c'était vraiment très surprenant. Très top du coup. Et c'est combien? C'est cher? C'est gratuit. Ah bah écoutez, voilà. C'est gratuit, bon, c'est mieux de consommer, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est dans un bar, j'ai consommé 2 Bryce Cola. Oh, ils n'ont pas de coca ? Ils n'ont pas de coca. Eh bien, c'est de la merde, l'endroit que tu dis. Pardon, je me suis emporté. Excuse-moi. Bah, j'ai l'impression que d'ailleurs, le Bryce Cola fait un truc bizarre aux dents. Mais en vrai, moi, je trouve ça meilleur le Bryce Cola que le coca. C'est-à-dire ? Mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir les dents un peu bizarres. Qui fondent. Ah, ça, c'est qu'il y a de la MD dedans. Oui, ça veut dire qu'il y avait de la drogue. Ou du GHB. Bah, je pense pas, non. C'est pour ça que tu as ri. Bah, là, t'es en train de perdre une dent, là, déjà. Par exemple, je la vois tomber. Non, c'était très bien, et allez-y, voilà. Et c'est où exactement ? Parce qu'au 11e, il y a un très grand arrondissement. Je veux dire, t'es un peu con quand c'est ça. Ouais. C'est pas comme s'il y avait genre Google Maps ou Google pour trouver une adresse. Ouais, donc en plus, c'est démerdez-vous. Rue de la Folie. 44 rue de la Folie Méricourt. Et bah voilà. Bien. Tu vois ? C'est très parisien comme proposition. Est-ce que tu as quelque chose pour nos amis qui ne sont pas forcément de la capitale ? J'ai fait une phrase assez découpée, assez longue. Déjà, j'ai galéré à trouver un truc. C'est clair. Ah. Bon, je fais un petit tour et si jamais t'as une idée, on revient vers toi. Alors, sinon, à Toulouse, qui a pris le ménage pour. Bah oui, bien sûr, je vais te dire. J'ai un peu des spots dans chaque ville de France. Il n'y a aucun problème, Floby. Ornella, est-ce que tu as quelque chose qui t'a plu récemment ? Eh bien, je n'ai rien. Absolument. Ah ouais, t'as vraiment rien ? Non, elle aime rien. On peut parler du néant. Non, j'aime plein de trucs. Qu'est-ce que j'ai regardé récemment ? Ah, vous avez vu The Town ? C'est un... Avec Ben Affleck. Avec deux Ben Affleck. Avec Ben Affleck. Très bien. Ouais. Alors, Ben Affleck dedans ? Ouais. Oh là là. Bah, il y a Casey Affleck et Ben Affleck. D'accord. Oh putain. Ah, la bim. Faux. Attends, elle t'a rincé. C'est... Non, mais vraiment, t'as vu toi, Jérôme? Oui, j'ai vu. Oui, moi, voilà. J'ai vu aussi. Moi aussi, j'ai vu. Ah, très, très bien. Ouais. Tout le monde a fait genre au début. Non, moi, je l'ai pas vu, moi. Pour de vrai. Non, mais la proposition était surprenante, vu que c'est un film qui a bien 5 ans. Oui. On a tous été un peu surpris. Mais parce que je l'ai revu il y a 2-3 jours et c'est une tuerie. Oui, c'est vraiment bien. Vraiment. Très, très bien joué et tout. C'est sur les braquages à Boston et c'est vraiment ouf. Très bien. Voilà, car Ben Affleck est délicieusement sublime et en plus talentueux, donc je pense que c'est important de regarder ce film. Et bon réel. Enfin, genre, Argo, très... c'était chambé aussi. Mais, vraiment celui-ci, c'est vraiment fou aussi, je te jure. Ouais. Très bien. Moi, j'aime beaucoup ce film aussi. Ouais, ah, il est vraiment bien. Il est dispo sur une plateforme. Enfin, tu l'as vu sur une plateforme quelconque ou tu l'as maté J'ai streamé. J'ai streamé ce film. Allez, bravo. Allez, c'est illégal. Un truc très illégal. Oui, désolé. Et mon excellent Jérôme, est-ce que tu as consommé de la bonne culture que tu as vu récemment? Eh bah ouais, moi récemment, j'ai vu un truc, mais qui remonte un peu. Qui ça s'appelle Les Bronzés. Alors, je sais pas si vous j'étais persuadé que tu allais dire La Soupe aux Choux. J'ai hésité, mais j'en avais plein. Depuis le The Tomb, j'étais comme ça. Alors, attends, cherche un truc. T'as vu lequel des Bronzés? Le alors, ou deux? J'ai vu le 3. Oh putain. T'as commencé par le 3. Avec la bande. Ce qui est malin. La bande originale de Zucchero. Je sais pas si. On se souvient. Baila. Merci. C'est ça. Il y a Ornella Muti dans le 3. Entre autres. Il me semble. Ah oui, c'est vrai. L'autre Ornella du showbiz. L'autre Ornella, ça y est. N'intervient que pour parler des gens qui... Non, plus en vrai, j'ai vu un film hier. On a parlé un peu avec Gaga. Avec Gaga hier, j'ai vu, je l'avais loupé au cinéma et j'ai vu le film Get Out. Oui. Ah, il est fou. Et je n'avais pas vu, je l'ai regardé hier. Un régal. Et ouais, alors un régal jusqu'à ce que, bien sûr, je le mets en VO et ah, il vient de me tordre le bras pour ceux qui... Adrien vient de me faire mal. Et je l'ai mis en VO et au bout de 1h15, je ne sais pas pourquoi, les sous-titres ont disparu. Oh non. Donc à un moment chiant. Très serein, je vois pas où est le problème et je continue. Et vraiment, au bout de 32 secondes, je fais alors, changer langue, version et français. Et là, alors là, il faut sortir maintenant, tu t'en vas. Et j'ai trouvé ça excellent. Ouais. Mais tu l'as vu sur quelle plateforme? Bah oui, c'est ça. Je l'ai vu sur une plateforme d'achat de VOD. iTunes. Ah, finalement, la moralité, ça vaut le coup d'acheter. Bah non. Apparemment. Parce que ta projection se passe. Voilà. J'étais furieux. Ouais, alors que moi, The Town, il n'y a vraiment eu aucun problème. Ça s'était calé jusqu'à la fin. Mais tu l'avais téléchargé légalement. Stream parfait. Oui, oui, bien sûr. Superbe, évidemment. Non, moi, voilà. Mais donc Macron. C'est un excellent film et j'ai été transporté du début jusqu'à la fin. Et on est allé voir un film, Jérôme, ensemble. Ah. Où je me suis barré avant la fin. Oui. C'était vraiment pas très bien. Hitman et Bodyguard. Oui, tu as c'était aimé aussi ou pas hier. Non, c'était moyen. Ouais. Alors, en vrai. Vous étiez le ensemble. Titre est excellent, en tout cas. Hitman et Bodyguard, très on bon. On était ensemble, voilà. Et avec, vraiment un, parti. Avec un troisième larron. Robinson Latour, pour Robinson ne pas le nommer, auteur avec qui on travaille régulièrement. Et donc, toi, tu es bien évidemment parti parce que tu avais autre chose à faire. Pas parce que tu détestais le film. Mais en vrai, ça m'a vraiment pas rendu triste du tout de partir. Alors, nous, on a fini et vraiment la salle. La projection, bon, Monster Munch en même temps. La projection s'est terminée. Robinson, la première chose qu'il m'a dit, c'est bon, on va commencer à aller voir des bons films ensemble, ce serait bien. Ah oui, il était énervé. Parce qu'on a un peu des tricks avec. Pardon. Non, justement, pas près du micro. Ouais. On a un tricks avec Robinson et Floby, c'est d'aller voir des films. Des sortes de péchés mignons, comment on parle de ça. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est pas des films assez nuls pour être drôles, et pas bien non plus. C'est des films. Entre les deux. C'est moyen. Oui, c'est assez moyen. Dans les années 2000, ça aurait été le film Hollywood Homicide. voilà, ce genre de choses. Ça ne crée que des choses chez Jérôme, comme vous le voyez autour de cette table. Voilà, c'est ce genre de film. Très moyen. Il y a du Josh Arnett dans l'idée. Et là, c'était Hitman et Bodyguard avec Ryan Reynolds. Ouais. Bien sûr. Et Samuel Jackson. Et on aime bien aller voir des films comme ça. Voilà, on aime bien regarder ce qui se fait. Mais là, vraiment, c'était. Non, c'était moyen, c'était pas fou. Il y a une blague où ils ont rajouté en post-prod un paix, mais vraiment tu sens qu'il n'était pas prévu. Oui. Et ils ont vraiment rajouté parce que la scène n'était pas très drôle. Alors ils se sont dit, eh, allez, le paix, c'est terminé. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Ça, j'aime bien. Le DA. Ouais. Adrien, pas d'autres idées sur ce qui se passe si ça me vient en cours de podcast. Au milieu d'un débat, ça aurait été super. Ouais. Moi, je suis allé au cinéma récemment, je suis allé voir 120 battements par minute et c'est vraiment très bien. C'est, voilà. Par contre, sauf si vous n'aimez pas comment dire, si vous n'aimez pas le sida, c'est cool parce que ça le critique pas mal quand même. Okay. Ouais, c'est assez dénonciateur. C'est un film à charge. C'est un film à charge contre le sida. Et, mais voilà, mais en tout cas, c'est un super film, c'est un très beau film et j'ai jamais vu une salle aussi séchée à la fin. Vraiment, quand le générique commence, tu fais eh ben voilà, tout le monde se tait, il y a vraiment un truc religieux, c'est vraiment très puissant. Vois, c'est une bonne question de se rappeler le moment où vous avez un film où les gens étaient vraiment ultra séchés. Moi, personnellement, c'était Dancer in the Dark. Oh, ah oui, j'ai adoré ce film. La fin, vu que les 5 dernières minutes sont vraiment pénibles. Ouais. Lumière, salut, c'était vraiment... Et tu restes assis comme un courant. J'étais avec ma cousine à chialer, mec, elle n'en pouvait plus. Elle était comme ça. Je dis, viens, il faut qu'on rentre. Ah, rentre. C'est et continue à pleurer. Et vraiment, c'est vrai que c'est une bonne question. Mmh. Ouais. Et j'arrive pas. J'aimerais trouver. Moi, t'arrives pas à t'en rappeler. Je suis en train de chercher. Moi, les bronzés 3, franchement, pour d'autres raisons, mais tout ça. Le monde était un peu genre. Ah, non, c'est un choc. Ça peut être un choc différent, tout à fait. Ouais, c'est vrai, à quoi. Bah là, moi, très bon exemple. Ouais, mais j'ai tellement chialé dans ce film, c'est un truc de ouf. Mais moi, je suis allé voir Mother hier de Darren Aronofsky. Mais t'as vu beaucoup de films hier. Ouais, toi, mais j'adore le Cinoche. J'adore le Cinoche. Je suis un féru de Cinoche. Non, je me suis barré d'Hitman et Bodyguard parce que j'étais invité à l'avant-première de Mother. Parce que je suis un gars, ouais, je suis un pur influenceur. Il paraît que c'est un peu. Ah, j'ai vu, t'as mis une photo de Jennifer Lawrence. Ouais, bon, c'est devenu une amie, vraiment. C'est une pote. C'est la suite de Mommy. Mais qui les con. Ah bah moi je suis venu là pour délirer, déconner quoi. Alors si c'est vous voulez faire la tronche, raccrochez le casque et le micro. Hein. Là il va vous dérider sec, ça va être assez violent. Précise, en parlant de casque, je suis bien en stéréo, pas en mono. Merci. Moi, j'ai fait un point. Peut un film quand même qui a un peu scotché la salle à j'ai la pas fin. Vu. Ah oui. Moi j'ai vu quatre films dans ma vie. Moi j'aime beaucoup la scène où il se crache en avion. Ouais. Et en fait, tu penses qu'il est mort. Et c'est Lost. Et la momie l'a ressuscité. Pour un sombre dessin. Ouais. T'es allé voir ça? Momie, ouais, tout à fait. Ouais. Non, mais c'est là, non, mais... C'était une blague. Excellent. Excellent. C'était un prank. Ouais. Grégory Guillotin est caché derrière le panneau là-bas. On avait prévu le truc tout à l'heure. Non, mais car j'ai également vu La Momie avec Tom Cruise. Ouais. C'était long et pénible, et vraiment. Ouais, oh mon Dieu. Moi, j'ai vu Papy fait de la résistance. Putain, très joli. Mais pour finir, ma petite anecdote, Mother, à la fin, les gens étaient très séchés aussi. Ah, d'accord. C'est genre vraiment si vous dites. Mais non, il est en salle en plus, normalement. Normalement, quand le podcast sortira, il sera en salle. Ouais. Ouais. Est-ce que ça parle de maternité de... Bah, en fait, alors, c'est le truc, je veux pas trop en dire. Mais le film raconte. Mais à la fin. En dire raconte. Non, non. Oh, joli. Yes. Il est en roue libre. Attention. On dit sniper. Faut bien. Ma lunette, elle est nettoyée. Il a mangé du sucre. Il est tout excité. comme un enfant. Un créma, c'est terminé. Il y a beaucoup de marques citées dans ce podcast. Non, le film. En fait, tout le film est une sorte de grosse métaphore d'un truc que je ne dirais pas pour pas trop spoiler. Mais le film est très métaphorique. C'est-à-dire que du coup. La gestation. En fait, le film, de toute façon, s'ouvre sur une image de la fin. Donc, c'est le genre de film où, du coup, t'es pas trop. Comme dans Breaking Bad, un peu. Un peu comme dans Breaking Bad. Comme un flash forward. Une sorte de flash forward. Ah, bah oui, bien joué. C'est un terme technique de cinéma, parce que je suis auteur. Bah, bien sûr. Il y a quelques auteurs autour de la table. On entre nous. Hein, on est bien. Bon, en tout cas, est-ce que tu veux expliquer ce que c'est un flash forward pour les auditeurs qui ne connaissent pas le terme? Tu sais, nos auditeurs sont des geeks, des nerds. Des aficionados. Vous voyez un flashback, c'est l'inverse. Je pense qu'on peut l'expliquer quand même. C'est l'inverse, comme l'a dit si bien Adrien en se plaignant. Pas du tout, c'était pour dire. Pas les gens pour des lambons, ils savent. Non, mais c'est bien d'expliquer. Ils ont les outils pour comprendre. Didactique, ludique. Un flashback dans un film, par exemple, c'est quand on voit une image du passé d'un des personnages, et bien le flash forward, tu vois une image du futur. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui s'ouvre en fait sur l'image de fin du film et ensuite on te raconte tout ce qui s'est passé avant pour en arriver là. Je pense par exemple à Casino de Martin Scorsese. Mm-hmm. Je crois que tu allais dire Quasimodo. Et je oui, non, Del Paris de Paddington City, qui s'ouvre aussi comme sur cette un flash forward. Donc voilà, petit terme technique. Je t'en supplie. Ah non, bah, c'est vivant, tu peux y aller. Est-ce que vous qui a vu Hannibal, la série? Non. Non. Personne. Pierce Brosnan. Non, parce qu'il y a un énorme flash forward dans saison 2. Ah. C'est le truc que tu attends en fait depuis le début. Ah oui, d'accord. Depuis le début, tu veux savoir. Il mange un mec. Voilà, Hannibal, tu dis, c'est un Hannibal. Il mange un mec. Et du coup, t'as envie de savoir. C'est bien Hannibal ? Ouais, c'est cool, ouais. Ils sont... Tu l'as posé combien de fois ta question? Non, mais je l'ai interrompu en plus, j'étais pas poli. Mais... C'est très bien, c'est le même réalisateur que American Gods. Le même showrunner. Ah, Brian c'est Fuller. C'est sur Amazon Prime Video, ça? Tout à fait. D'accord. D'accord. Bon, en tout cas, plein de on conseille beaucoup de streaming dans cette émission. Oui. Vraiment non, beaucoup. Pas... On va bientôt passer à la nouvelle rubrique de l'émission, à savoir Adrien va rapper. Allez, t'es prêt, Adrien? C'est parti. Ouais. Bah, j'étais pas au courant déjà. Mais ça me pose aucun problème. Bah, tu représentes le vrai hip-hop. Donc on peut dire qu'à tout moment, tu peux c'est poser. Vrai. Tu as fanfaronné, donc maintenant. T'es prêt? C'est quand tu veux. Non, là, c'est la petite horrible. Intro. C'est horrible. Donc, dès que t'es chaud. Non, là, faut juste... Ouais. Ok, on est tous là. Mm-hmm. Ok, ouais, okay. Ouais. Vas-y. Ça va être affreux, je pense. À toi. Ouais. Monster Munch sur la table, mon pote. On est Al. Ah. Okay. Ouais. Ok. Ok. Ah, c'est... faut plus que ça. Ah, oui, c'est une chanson entière, en fait. D'accord. Je vais faire la chanson de 4 minutes. Ok. Ouais. On est là pour faire la fête. Ouais. Gaël autour de la table avec sa petite casquette. Okay. Ouais. Casque sur les oreilles, on est là pour s'éclater. Ouais. Et vous, vous êtes chez vous, vous allez nous écouter. Oui. Ouais. C'est très bien, très bien, bravo. J'ai écoute, bien aimé ça, le refrain. Ça, ça arrivera de temps à autre dans l'émission. Eh bien, je déteste. Eh bien, c'est la pire chose. Je suis très mal à l'aise. Ouais, mais à des moments un peu impromptus, ce sera. Non, mais pourquoi pas. Ce sera top. Est-ce que vous avez passé un bel été, de belles vacances? Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez fait de vos vacances? Ornella, commence. Voilà. Alors moi, personnellement, j'étais à Mykonos la semaine dernière. Qu'est-ce que tu as été y faire? Eh bien, comme tout le monde, j'ai mangé du tzatziki. C'était vraiment formidable. Était-ce pendant délicieux. Une semaine. C'était... Ah oui, oui. Bien, je n'ai mangé que ça. Une petite moussaka. Je suis, bien évidemment. De la feta. D'autres noms de spaghetti bolognaise. Un peu de houmous. Al dente. Hola, la Mykonos, arancione. A Mykonos. Non, le hamburger. Un ossobuco. Una fracciatore di piazza. La piazza di parmigiano. Je suis triste, vous êtes à la Mykonos avant moi, apparemment. Non, mais on continue de parler en italien, c'est mieux. Ok. Beaucoup de mélange, beaucoup de mélange. Ok, alors donc je suis donc allée à Mykonos. Mykonos. Alla bara, Mykonos. Si, per mangiare delle spaghetti alla bolognese. Oh là, yeah. Si, con un poco di prosciutto. Est-ce qu'Adrien, tu peux rapper en italien? Allez, c'est parti. Non, je plaisante. Oh, la gara garanzana para corofone. Bon, on est là, excuse-nous, pardon, je t'en supplie. Si, alors, sono andata à Mykonos. Bon, voilà, bref, donc c'était cool, je suis partie avec mes copines. Ouais. Bande de meufs, un peu. Ouais. Combien, ah. combien donc, 4 meufs. Pas mal. Putain. Dont toi? Plus que j'ai rencontré dans ma vie. Ouais, c'est vrai. C'est... Moi, c'est vrai. On a loué une maison plutôt vraiment belle, vraiment. D'accord. C'était un peu plus... Ah, piscine et tout. Ouais. L'argent du canal. On a tout donné. Ah bah là, j'ai tout dépensé d'ailleurs à Mykonos. Ouais. Il ne me reste rien. Bah, t'inquiète, il y a les droits d'auteur qui arrivent. Oh, faux, ils n'arrivent pas. Ça m'étonnerait. Oh à la poubelle, les droits d'auteur. Ils n'arriveront jamais. Je vous rappelle qu'on dénonce énormément. Vous êtes dans Floodcast. Mais attends, mais t'as pas une petite boîte à son là? Non, j'ai pas. Bah, ça serait bien ça. Et c'est parce que là. Oh. Tu peux la faire. Ça c'est Motus par contre, c'est le bruit de Motus. Bolloré. Et donc que entre copines? Ouais, on est parti 4 meufs dont on a loué des quads et tout machin, c'était vraiment trop stylé. J'ai très peu dormi en durant. Tu as fait la fête? Eh bien disons que en fait le truc à Mykonos c'est que quand il est 3h du matin, t'as l'impression qu'il est 22h. D'accord. Il y a du monde partout, c'est vraiment un truc vraiment hyper cool, donc du coup tu te couches très très tard et c'est vraiment stylé, meilleure ville pour après, partir en vacances. Après tu peux te lever tard aussi, ça veut dire. Non, car t'as envie de profiter aussi de ta journée. Du tzatziki. Bah, ouais, ouais, ouais, et de la bolognaise, car c'est important. C'est vrai. Donc voilà, et non, c'était vraiment trop stylé. Très bien, ouais, putain. Vraiment. Toi aussi, t'es parti avec une bande de poteaux, ouais. Jérôme. Tu es allé en Corse, je crois. Ah oui, à Calvi. À Calvi, exactement. Calvi on the Rock. Calvi on the Rocks. Oh, ouais. Joli. Pour le... Et on a mangé des spaghettis bolognaises, c'est vrai. C'est pas ce qu'ils tout jouent le soir. Et est-ce que c'était bien? C'était très très bien. Il y avait de la bonne musique, il faisait 32 degrés et on pouvait danser sur la plage entre 16h et très longtemps. Tout meilleure ce qu'adore chose. Adrien, je crois. Oui. Moi, j'ai fait exactement pareil pendant 2 mois. Par avoir chaud et danser. Ouais, j'adore ça. Non, j'adore danser. Oui. Alors là, je te permets pas de dire que j'aime pas danser. Toi, c'était un truc un petit peu moins chaud, Adrien, parce que t'es parti au Canada. Je suis parti au Canada, absolument. 2 semaines. Magnifique. Où au Canada, précisément? Alors, première semaine sur Vancouver Island. Oh, mm-hmm. Ok, je reconnais. Et Vancouver. Vancouver Island, on a un peu. On a pris la voiture, on a un peu roulé, on a fait plusieurs villes et tout. Joli, sauvage, mignon. Et ensuite. Vancouver, la grande ville. Et là, on a baisé. C'était dirty. C'était pas mignon du tout. Je peux te dire que le... C'était plutôt crade. Le beignet, très, très crade. Quand il donne dans le sale, ouais. On ne fait pas les choses à immonde. Moitié. C'était hardcore. Douche interdite. Ça fouette. Alors, voilà, petite vacances de couple. Non, ouais, Vancouver, super ville. Voilà. Super ville. Est-ce grande ville un peu genre à l'américaine, quoi, normal, ouais. Mais avec la plage. Ah. Avec, non, mais en fait, ce qui est fou, c'est d'être dans une grande ville avec des grands bâtiments et tout, façon Quinry d'Estate. Bah, bien sûr. Et puis tu regardes au bout de la rue et tu vois la montagne, tu vois la mer. Et des ours. Non, mais je suis où là? C'est quoi cette histoire? Ouais. Bah... C'est un fond vert? Non, c'est la vraie vie, mon pote. Bah, de toute façon. Très bien. Est-ce que tu peux maintenant nous dire si c'était bien, mais en rappant? Ouais. Ah oui! Alors, je t'en supplie, c'est parti. C'était bien! Merci beaucoup. Ouais. Impressionnant. Non mais ça arrive à tout moment. Ça arrive à tout moment. Tellement je me suis dit, il a sorti une platine de sa poche. Non, ça m'a bluffé. En fait, faut qu'on vous explique avec Adrien, on rêve en fait de remplacer Difool et Romano l'année prochaine sur Skyrock. Donc on a envie de montrer qu'on taffe. Ouais, on taffe un peu dans le hip-hop. Talent. Et la semaine prochaine, on prend un appel d'ailleurs. C'est Grégory qui nous appelle. Non. Si, bien sûr. Grégory, Gaël, de... Gaël, fais Grégory. Allô. tu es vieux. Tu es un paysan. Allô. Qui m'appelle? C'est vraiment Grégory? Allô. Allô Grégory. Bah, je raccroche. Non. La meilleure info. Putain, il était pas. Non, j'avais pas envie de parler. Hein. Non, mais c'est je pense pas que c'était Grégory. Ça devait être son père ou son grand-père. On va peut-être appeler Étienne. Pas appelons Étienne du coup. Étienne. Allô. C'est pas possible. C'est Étienne. Encore Grégory. Oui, je capte. Allô. Oui, je raccroche. Putain. Avec que des fails. On peut pas appeler quelqu'un c'est de sympa. Incroyable. Mais putain, on voulait que quelqu'un tourne la Sky Roulette. Attends. Allô Séverine. Allô Séverine. Allô Séverine. Allô Séverine. Allô. C'est pas possible. Allô, c'est qui? C'est Séverine. Allô. Ah putain, ça fait chier là-haut. C'est Difool. Ah bah. Elle a raccroché. Putain, elle a eu peur. Que des gens sympas. Que des gens sympas. En même temps, on appelle tard. Ouais, c'est franchement, on fait le mojo. On doit déranger. En plein Koh Lanta. Gaël. Oui, Gaël, est-ce que tu as passé des bonnes vacances? Allô. Ah, c'était moi. C'était moi en fait. C'était toi. Pardon, c'était moi. Salaud. Ouais, ouais, les trois, c'était moi. Mais ça fait deux pranks depuis le début. Ouais. Mais il y a Greg là, il me fait des signes depuis tout à l'heure. Parce qu'il est dans votre dos, vous le voyez pas. Mais on va être sur TPMP, c'est ça. On embrasse Greg. La Darka, mon gars. La Darka. C'est une race rare. Là, c'est une race rare plutôt qu'une Darka. Quelle était ta question? Ce que t'avais fait pendant tes vacances. Ah, mais nous, on s'est enjaillé avec le JJ. Et oui, aussi. C'est moi, j'aime bien l'appeler JJ. Bien sûr. C'est le petit surnom. D'ailleurs, si vous le croisez dans la rue, appelez-le JJ. JJ, ouais. Le petit JJ. Et on avait loué une petite baraque un peu comme toi. Bien sûr. Sauf que nous, c'était dans les Landes. Ouais. Et on a mangé des spaghettis. Donc moins bien, si on peut. Enfin, bon. C'était mieux. Ah, en plus, là, tu dis. Là, c'était drôle. Tu vis une maison comme elle, mais tu l'as pas vue, sa maison, donc t'en sais rien. Si, j'ai vu ses stories et je peux te dire que nos vacances étaient bien mieux que les tiennes. J'en ai pas fait. J'ai pas fait de story. Ouais, on a vu celle de tes copines. Si, celle de tes copines. Parce qu'on est abonné à chacune de tes copines. Car j'ai une copine qui s'appelle Claudine. Oui. D'ailleurs, on va l'appeler. Tout de suite. Claudine. Allô, oui. Ah, elle est sexy. J'ai l'impression que non, Claudine, j'ai plus envie. Je suis en train de parler de mes vacances. Ils vous fait chier avec vos coups de fil. Ça va, ils veulent faire de la radio. On a compris. Je peux parler de mes vacances ou pas? Oui, t'en supplie. Bon, okay, pardon. Je suis content d'être avec Adrien parce que j'ai envie de régler un litige avec lui ce soir. Ah bon, on le réglera tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler de tes vacances dans les Landes déjà? Après, on en parle, Adrien. Et oui, tout à fait. Donc, c'était bien. On était dans les Landes. On a bu beaucoup de vin. Ouais. Il y avait des chevaux, du bon vin. Très bon vin. Quelle marque? Je connais grave. Reebok. Ah, ouais. Et on a fait du karting. Ouais. On a rigolé, on a mangé énormément. Ouais. J'ai pris 4 kilos, je pense. Déjà, je suis très gros. On a grossi de ouf, tous. Et on a ri, on a beaucoup ri. J'ai fait des photos de Jérôme nu avec des chevaux. Ça sera dans la description de l'épisode. Non, elle est sur son Insta perso. Ouais, ah ouais, très fière. Ouais, on peut te montrer si très beau cul. Très fier. Très beau cul. Magnifique cul. Attendez, je vais regarder sur Insta. Voilà, sur l'Insta de tu fais JJ Insta 42. Je vous dis, attends. Et voilà, sinon, je suis allé un petit peu dans ma maison de campagne en Dordogne aussi. Un lieu que j'affectionne. Et après, je suis allé à Nice parce qu'on va faire un tournage bientôt à Monaco avec Baptiste. Je parlais de ton cul quand j'ai fait. Ah, alors. Ah, c'est le cul de Jay, oui, pardon, excuse-moi. Il y a un petit fait rôle dans l'émission où Ornella réagit au cul d'internet. Voilà. Elle a validé mon cul. Envoyez-nous des photos de vos culs. Je valide ou pas. Alors, je dois quand même préciser qu'il est très. Ah merde. Quoi? On n'est pas en direct, il a dit. On n'est pas en direct. On n'est pas en direct. D'accord. Il peut faire un tweet. Photo prise par Gaël Mektoub. Voilà. Oui. Et donc, vraiment, 3 tubs et une clôture. C'est drôle. On est à combien de likes? 26 172. Ah, c'est pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Mais pour un cul, c'est pas mal. Parce que très mignon cul. Vraiment. Ouais. Je vais le liker d'ailleurs. Je le like. Ah, le cul est liké en direct. Je like le cul. Comme vous l'avez peut-être deviné, on n'a pas de thème. On décrit des photos Instagram. Non, mais c'est intéressant pour les gens. C'est important. C'est d'imaginer un cul, des tops, des chevaux. Un joli cul en noir et blanc qui regarde l'horizon, c'est plutôt agréable. Est-ce que vous avez fait des photos cul nues avec les copines? Seins nus. Ah. C'est sur Instagram? Non. Ah. Bah, mais je les ai sur mon téléphone. Quel intérêt. Ok. Alors peut-être qu'on peut regarder. Oh. Ah oui. Ah, elle nous montre tout là. Ah d'accord. Ah, bah, dis donc. Elle a montré quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les seins. Elle vient de montrer ses seins. Regarde. C'est incroyable. J'ai pas vu. Oula. Oh purée. Ah oui. Ah, ouais. Purée. Franchement. Purée. Non mais vous le dites pas. Bah ouais, bah, on me dit de pas être vulgaire de temps en temps. Alors maintenant je dis purée. On bah, t'arrêtera pas. Impressionnant. Impressionnant. Putain, très joli. Une réaction en rap peut-être, Adrien. Oh là là, les tétés qu'elle a, Ornella. Merci beaucoup. Et toi ? Alors moi, j'ai passé mes vacances aux États-Unis d'Amérique. Oh là là. Les gens parlent des States. C'est pas très loin de Vancouver, je crois. Eh ben putain, Trump. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Non, j'étais sur la côte est, du coup, oui la côte loin, est. Donc, loin de Vancouver. Loin de Vancouver, là où il se passe en ce moment des cataclysmes. Mais nous, il faisait très beau à l'époque, vraiment, ouais, il faut le dire. Que... T'es passé à ça, quoi. Je suis passé à ça. Ça aurait pu être moi. Ouais. La phrase de tout le monde, ça aurait vraiment pu être moi. Non, on est allé en Floride et on est remonté jusqu'à New York. Oh. Et la petite anecdote, quand même, que je tiens à dire, qui n'a pas grand chose à voir avec les vacances en elles-mêmes, mais avec le trajet. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pensais tout. Non, pas du tout. J'ai l'avion que j'ai pris pour aller à Miami, dans l'avion, c'est crashé. Ah oui, il y avait quelqu'un. Il y avait une vedette. Seul et unique survivant. J'ai besoin d'en parler. Mais c'est lié à un crash d'avion, juste que je vais raconter. Non, mais dans l'avion, il y avait une célébrité. Il y avait une vedette de la télévision, à savoir Jean-Marc Morandini. J'allais dire Thierry Beccaro. Non, bah c'est encore mieux. Jean-Marc Morandini, le véritable Jean-Marc Morandini, J2M. Avec des enfants ? Aucun enfant. Il était vraiment tout seul dans sa première classe. Ok. J'ai pris une photo pas discrète où vraiment mon téléphone était collé à son visage pour les copains. Cette photo, il regarde vraiment droit dans l'objectif. Ah vraiment, je la partagerai. Merde, je la partagerai sur Twitter, je vous la montrerai avant la fin de l'émission. Je sais pas, je l'avais vu, mais là on est sur un grillage, mais total. Mais c'était pas vraiment discret en fait. Bah oui, c'est vraiment. Ça veut dire que tu prends l'avion en première classe ? Non, mais en fait, quand tu montes. Oh non ! Mais quand tu montes dans l'avion, tu passes devant les premières classes. En tout cas, sur la compagnie que j'avais. Est-ce que t'as quand même eu un truc de dire l'avion peut se crasher, ça sauverait quand même l'humanité. Ah. En même temps, tu mourrais, mais tu te sacrifierais quand même. Ouais, mais non, parce qu'il se sacrifie tout seul, la Morandini. Enfin, tu vois, sur la télé, il est pas vraiment là. Mais ce que je me suis dit en rapport avec un crash d'avion, je me suis dit, mais c'est terrible si l'avion se crache. Il y aura rien sur toi. C'est pas tant qu'il y aura rien sur moi. Ouais. C'est que au mieux, il y a rien sur moi et on parle de Jean-Marc Morandini et pas de moi, ce qui est toujours un peu dur pour l'ego. Mmh. Ou pire, s'il y a des trucs sur moi. Les gens vont se dire, mais enfin, en gros, si ça fait crash d'avion, tant de morts, dont Jean-Marc Morandini et Flaubert, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils foutaient tous les deux dans un avion ? Jean-Marc Morandini, est-ce qu'ils partaient en vacances ensemble ? Ouais, ils faisaient un casting ou quoi ? Est-ce qu'ils étaient sur un projet ? Sur une web série. Casting sauvage. Les faucons. Voilà, je vais t'expliquer toutes les pour que tout le monde ait la référence. Donc voilà, donc c'est le truc qui m'a fait un petit peu. Et après, ce fils d'up, on s'est retrouvé à. Comment il n'y a plus aucun filtre. C'est fini, ouais, voilà. Oui, parce qu'après, t'as passé une semaine de vacances avec lui, du coup. Ouais. Non, je l'ai croisé au truc de bagnole Adamo, ouais c'est ça, au truc de location de voiture, et il a pris une énorme voiture de fils d'up, vraiment énorme voiture. T'avais quoi comme voiture toi ? Moi, je sais pas, j'y connais rien. C'était super cool. Ah, c'était une très jolie voiture. C'était une Kia, je pense. Non, c'était mieux, c'était une Chrysler, ça existe ? Ouais, Chrysler, c'était Chrysler. Voilà, donc encore une marque qui ne doit pas hésiter à nous donner de l'argent pour qu'on la cite. Franchement, n'hésitez pas. Chrysler. Chrysler. Donc on revient au thème de l'émission, à savoir la rentrée des classes. Ah bien sûr. Oui. C'est la rentrée. Oui. C'est la rentrée. C'est vrai que c'est la rentrée. Non, bon, parce que tu sais, ici, on n'essaye pas de faire genre, on est une vraie émission de radio, on est très honnête avec les gens. On en a remarqué. Ils savent qu'il y a des Monster Munch et qu'on est chez moi. J'avais proposé en thème aux invités avant qu'ils viennent la rentrée des classes ou la rentrée en général, thème qui n'a pas vraiment suscité l'intérêt au niveau des invités. Un marronnier, comme on dit. Non, mais c'est que tu nous as demandé une anecdote un peu rigolote de rentrée. Non, enfin, ce qui est lié à la rentrée, c'est vrai que si vous n'avez pas d'anecdote, sujet. On n'en a aucune. Voilà, c'est le petit souci. Après, tu peux peut-être mettre une musique un peu swing et on fait un podcast. Non, moi, j'ai un peu une petite année. Enfin, j'ai un truc. Ah, mais alors, peut-être question, est-ce que tu pourrais la rapper ? Négatif, c'est. Non, je rapperai pas là-dessus. Coupe ce beat, s'il te plaît, que je parle normalement. Voilà. D'accord, bah, aucun problème, tu me dis, il n'y a aucun souci. Et on tombe sur ces ouais, mais moi, c'est. Rentrer, alors je vais remonter du coup à l'enfance, plutôt la primaire et tout, parce que là, les rentrées, quand on est adulte, c'est moins drôle, je trouve. Ouais. Enfin, sauf si tout d'un coup, tu tournes pour Jurassic Park, là, c'est stylé. C'est la rentrée. Moi, perso, c'est stylé. Ou si tu as redoublé 37 fois. Oui, voilà. Ce qui peut arriver. C'est une belle anecdote de vie. Mais. Moi, je me souviens que le but était un peu d'aller faire 2-3 magasins, tu vois, pour arriver le premier jour de la rentrée avec une énorme tenue fat, tu vois, primaire. Stylé. Et je me souviens que moi, notamment, j'allais chez Kiabi et on achetait des ensembles. La mode à petit prix. Voilà, et on achetait, mais ils avaient des ensembles Dragon Ball Z. Oui, Kiabi, beaucoup de vêtements. Tu te souviens ? issus de pop culture, brandés, exactement. Et du coup, le but était un peu de garder son... sa petite tenue au chaud et débarquer le premier jour avec bam. Bien sûr. Évidemment, tu te découvrais que tu n'étais absolument pas le seul. Et il y avait tout plusieurs avait clones voilà, avec Vegeta dans le dos et tout. Et là, c'était la déception. Mais moi, j'aimais bien essayer d'arriver avec l'outfit de la rentrée, tu vois, et dire bon, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr. Et que tu gardais en CM1 ici, les mecs. Ouais. Et donc maintenant, voilà, regardez. Là, j'ai Transformation 3. 4, c'est vrai qu'il y avait toutes les transformations souvent sur le même t-shirt. Ouais, il y en avait plein qui étaient mélangés. C'était, tu recherchais vraiment ça. Et moi, c'était ça. Voilà, trouver la bonne tenue pour la rentrée. Il y a la, alors, aujourd'hui, y a... je. Mais ça, c'était important. Chez WAM, en caleçon. Pour vie, ta rentrée. Voilà. La vie a fait que. Voilà, voilà. Ouais. Mais dans le choix de rentrée, il y a aussi l'agenda. Enfin, vous, je sais pas si. Ah oui, c'était très important. Est... Très important. Tu t'en fous un petit peu des fournitures scolaires, mais l'agenda, c'était vraiment le truc le plus stylé. C'est ton arme secrète. Je l'ai en 1000, moi, c'était un Dragon Ball Z. Oh là là, il était un peu monomaniaque. Un petit peu monomaniaque sur Dragon Ball Z. Moi, j'avais. Moi j'ai toujours voulu tous les ans, ma mère elle voulait pas, et je l'ai, au final je l'ai eu et c'est de la merde. Je voulais l'étudiant, ce qui l'étudiant était un peu, je l'avais, le noir un peu relié en cuir, ouais, tout à fait, stylé, avec des stylé, petites BD rigolotes dedans, tout à fait, je l'ai eu au moins 3 ou 4 années. Il y avait aussi le matériel, le matériel. Jean-Jacques Bourdin, il y avait le matériel, le matériel, très bande de salopes. C'est pas dit comme ça. Non, c'est vrai. J'ai c'était sous-entendu. C'était sous-entendu. J'ai caricaturé. Pardon. Est-ce que vous vous souvenez de ce stylo qui avait une sorte de, tu sais, de matière. Là, tu de, fais encore avec les doigts. De matière, de pepperoni. De ballon de basket orange, là. Ah oui, bien oui. sûr. Oui, oui, bien oui. Sûr. Pump un peu. Un peu oui, ouais, complètement pump. Oui, c'est ça. Oui, et ça, oui, c'était oui, très oui. bien. Et moi, c'est quoi sur la languette de la pump? C'est pas un ballon de basket? Vas-y. Bah voilà, okay, avec ça, des rayures là. Ouais, voilà. Oui, oui, je vois très bien. Ça, c'était trop cool. Il y avait la trousse DDP, bien évidemment. Bien évidemment. Mais il y a les marques. Est-ce que moi aussi, on peut dire Waikiki ? On peut dire Waikiki. Poivre blanc. Pour les plus anciens, on peut dire poivre blanc. J'avais poivre blanc. C'est un poivre blanc tellement stylé. On peut dire Mutoni. Mutoni. Poivre blanc, c'était vraiment la classe. Ouais. Mais moi, j'étais encore génération même. Très coloré. Moi, je voulais un Sweet Comate. Mais non, mais t'as quel âge, Robert ? J'ai 26. Oui. Bah, Comate, moi, j'étais au fin collège. T'as quel âge ? Et produit deux banlieues. 31 ? Ouais. Produit deux banlieues. C'était lycée, moi, Comate. Ouais. Ouais, bah, c'est ça, bah, c'est logique. Tu vois ? Moi, je pense que c'était déjà la fin. Au final, c'est assez logique. Et dans la négociation avec les darons, moi, il y avait aussi les sacs. J'ai eu vraiment mon sac à dos, mon cartable, la Fuma. Ça a été dur. La Fuma. Ça a été très dur de convaincre les darons que maintenant on allait passer au sac à dos, tu vois. Ouais, c'est enfin, ça. Moi, mes darons, ils ont dit bah, cartable, parce que c'est quand même beaucoup plus costaud. Pratique. Tu vas pouvoir. Ouais, ouais, mais attention. Oh, puis c'est lourd, je suis les fournitures. Rouge de honte quand j'arrive dans la cour. Donc pense-y aussi, papa ou maman. Mais je ça, sais ça pas, c'est un vrai trauma. Parce que moi, je pense que ma mère m'a habillé jusqu'à. La première, un truc comme ça. J'ai cru que t'allais me dire jusqu'à mes 31 ans. Mon premier sac à dos ISPAC, c'est en seconde. Ah oui. Ouais, ah, moi je crois que c'est en troisième, j'étais avec du La Fuma. Ouais, pareil. Moi je crois que j'étais en quatrième, mon premier ISPAC, et c'était vraiment vraiment un événement quoi. Ouais. J'ai enfin un ISPAC. On s'en rappelle tous. Trois jours, on me l'a volé. Voilà. Ah. Est-ce qu'on peut considérer que t'étais une victime au collège? C'était un ISPAC noir. Non, parce qu'en vrai c'est le seul incident vraiment du collège. Ouais. Mais volé vraiment très très vite. Mais enfin. Plus rien. Et moi j'ai toujours le même ISPAC. Moi aussi. Toujours. C'est garanti. Je dirais toujours moi aussi à tout ce que tu dis. D'ailleurs. Oui. Putain, c'est très stylé. J'ai l'énorme tub. Mais moi aussi. Ah ben voilà. Merde. On s'éclate. Mais il y a aussi le dans les moi j'avais un sac. Moi j'étais très brandé aussi, mais un peu rock, un peu métal. Mmh. Ah ouais. Donc j'avais un sac Good Charlotte moi. Et dessus, Putain, j'avais écrit tous les groupes que j'avais bien au Blanco. Moi j'avais écrit NoFX au Blanco. Oh, moi j'avais Korn, tu vois. J'avais Korn. Korn aussi j'avais écrit. Korn. Oh, est-ce que t'as fait le R à l'envers ? Korn de rock. non, pardon. Le groupe américain, pardon. Oui. T'as écrit le R à l'envers ou pas ? Bah, bien sûr. Il faut penser à faire le R à l'envers. Et le E de Eminem. Non, il a écrit Korn, le mot, la Korn de la vache. Voilà, la blague que j'ai fait il y a deux minutes. Oui, non, mais. Pas du tout. Non, ça faisait une minute, mais c'est pas grave. Mais c'était bien. On sent qu'il y a encore un différent entre vous deux. Il faudra peut-être le faire. Il faudra peut-être le faire éclater à un moment. Mais écoute, je trouve qu'en ce moment, Adrien file un mauvais coton sur Facebook. Il joue une espèce de personnage comme pas ça, où il troll, où il est très négatif. C'est faux. Il met des commentaires désobligeants sur en ce moment tout le monde. Ouais. Bah, c'est ça. Moi aussi, moi je suis comme Tober. C'est pour moi j'ai rencontré Adrien comme ça. J'ai toujours été la patte. Il y a un pic de rentrée. Non, c'est faux. Où à chaque fois que je vois mettre un commentaire, c'est un truc où il fait oui, bon, ça va. Moi, je sais pas pire. Et il arrête pas comme ça. Il attaque. C'est, bah... Écoute, ça m'énerve, Adrien. Parce que c'est je, pas je te connais pire, dans la vie. Positif, Non. Et si. Voilà, je trouve que tu joues un rôle finalement, parce que c'est pas toi. T'es quelqu'un de gentil. Mais je suis fond. Gentil. Non, mais je pense et là, et je vois que tu prends un malin plaisir à faire chier le monde. Parce que il faut utiliser les vrais termes. À faire chier le monde. Attendez, s'il vous plaît. Pardon, non, il faut dire les choses, les gars. S'il y a un différent. Arrête de faire ça. Non, les gars, s'il y a un moi, différent. Moi, je vais te bloquer. S'il y a un différent, il faut le régler de manière hip-hop. Voilà. Ouais, un clash. Ok, ça fait. Ça fait. Tu passes ton temps à être désobligeant avec les gens super beaux, tu sais, pas très cool. Non. Ok. Non, c'est faux. Faux. Je crois que c'est une victoire d'Adrien. Il t'a bien répondu. J'aimerais qu'il arrête en fait. Il t'a bien répondu. Parce que ça me gêne. Tu n'as même pas d'exemple. Si, mais... j'en ai plein. Mais pas du tout. Si, par exemple, quand Ludoc a parlé du Burning Man, toi t'as fait oui, bon, ça va, c'est un festival comme un autre. Mais c'était une blague, espèce d'imbécile heureux. Non, je sais que c'est pas une blague. Mais c'est pour ça que je me permets. Tu n'as pas compris l'humour. Non. Il a décrit. Excuse-moi, j'ai inventé l'humour sur Internet avec Baptiste en 2001. Super. Oui, bah écoute. Ça marche bien. Super. Voilà. Écoute, alors, je vais, pour les auditeurs, expliquer. Ludoc, il a décrit une journée, sa première journée au Burning Man, qui était incroyable. Genre, il a fait 1 milliard de trucs. Ludoc et a fait le Burning Man. Il viendra d'ailleurs dans une émission nous en parler. Oui. Et moi, quand il sera redescendu de sa drogue, en blague, j'ai dit. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire pour faire dire bah c'est une journée normale pour nous. C'est pas une blague. Lui, il croit que c'est une agression. Imbécile heureux. Grand dadais. Évidemment, tout le monde a compris que c'était une blague. Les gens ont liké. C'était encore un prank. Avec Grégory Guillotin. Je me suis fait avoir. J'ai un petit peu cru quand même. Là. Je me suis fait avoir. Eh oui, parce que j'étais un peu énervé. Ah là là. Il joue. Je me suis fait avoir. Je m'apprêtais à passer ma journée dans le noir. Ça te rappelle une chanson, mon gars? Diam, c'est Vita. Vita. Magnifique. Magnifique chanson. Je suis bon en rap. Je n'ai absolument aucun grief avec Adrien Minet. C'était pour la blague. Ah, j'adore. Et tout le monde y a cru. Moi, j'ai commencé à. J'ai foncé. Moi, j'ai foncé dans le mur. Comme. On aurait pu se battre. Non, c'est pas grave. T'as... Si, il y a Ayrton Senna, mais c'est pas très. C'est un peu l'ancienne comme blague. Elle est un petit peu. Moi j'ai un carnet, je note les blagues des gens. Ok, mon pote. Ok, c'est parti. Ouais. Ok, Adrien, t'as cru que t'essayais de me clasher. J'ai plutôt l'impression que tu as échoué. Et... Oh, n'oublie jamais que je représente le vrai hip-hop. Pop. Pas besoin de le crier comme toi. Mon pote. Oh, allez. Poula. Il est très fort en impro. Je suis impressionné de ouf. Du tout. Mais il fait tout le temps ça en soirée. Mais moi je alors ne connais pas cette personne. T'aurais jamais... pas un grief contre Flaubert? Non. Au contraire. Ah bon? Au contraire. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des soirées, il prend le mic, il fait des impro hip-hop et il fait rire tout le monde. Il se met au milieu de la pièce et tout le monde rigole. T'as l'air énervé. Pendant des heures. Mais t'as l'air énervé. Parce que je suis jaloux, j'aimerais faire pareil. On va finir par appeler quelqu'un. Oui, c'est vrai. C'est comme Pierre et le loup, quoi. Il y a Greg derrière ta voix. Il y a Greg derrière qui fait des signes. Arrête, Greg. Ah, il est impayable. Ah, il est là. Bon, t'as pas des caméras cachées à faire pour Hanouna. Allez, bonsoir. Bonsoir. Donc le Hispac. Et bien sûr. Hop, on revient dans le thème. T'as plus d'un tour dans ton sac, j'ai l'impression, Flaubert, en termes d'animation de podcast. Oui, ouais, mec, je l'aimais ce Hispac. C'est comme fou. Et mais par contre, je pensais pas vraiment que ça durait aussi. Et est-ce que moi, en fait, moi, j'avais un peu le. C'était pas un lafuma, moi. C'était vraiment un sac DDP. Ouais. Et mais pour faire stylé, quand même, je le desserrais à fond. Ce qui fait que j'avais juste un cartable. Et ça faisait très très mal au dos, du coup, c'est insupportable. C'était nul à chier, parce que c'était un cartable au niveau du cul, ce qui n'est pas le truc le plus stylé. On faisait tout ça. Et après, c'était la mode de l'avoir vraiment là, sur les épaules, insupportable. C'était la mode, ça ? C'est très récent. Non, c'était pas la mode. Ah, c'est là en ce moment ? Je crois que c'est. Ouais. Ça revient. Parce que pour moi, c'était ceux qui disaient allez, on va à la bibliothèque. Tu vois le film Dope, par exemple ? C'est un très bon film. Ouais, j'aimerais le voir. Est-ce que c'est bah, bien ils... Ouais, c'est bien. Vu, moi, et ils ont, je crois qu'ils ont le sac à dos vraiment très haut. Et c'est un truc ça, je pense plus que c'est remonté quoi. Maintenant. Mais... Voilà, mais pour moi, de mémoire, alors c'est peut-être un cliché que je balance. Et alors, j'ai pas peur. Hein. Oh là là, la bien-pensance, oh attention. Là, bien sûr. Jingle. Mais pour... oh, shit, la bien-pensance. Pour moi, les meufs populaires avaient souvent des sacs près du dos. Pour c'est, le coup. C'est ça sexiste. Que je voulais dire également. Voilà, on est d'accord. Voilà. C'était ça que j'essayais de vous expliquer. Près enfin, du dos, ou sur le dos. Non, mais haut sur le dos. Haut sur les épaules. Haut sur les épaules, pardon. Ah, voilà. Excusez-moi. Donc, posé sur les épaules. Attends. Oh. C'est ridicule. Bah, tu dis, les femmes les plus populaires. Deux sacs. Bah, putain, pour leur bêtise, ouais. Pour leur bêtise. Dans quel collège il était, mais moi, il n'y avait pas ça. Un sac sur chaque épaule, en équilibre. Moi, c'était topless, quoi. Est-ce que vous connaissez la marque Salomon? Ah bah oui, bah c'est des skis. Oui, bien sûr. Et ben moi j'avais ça comme ça qu'au collège. Est-ce que c'est triste ou est-ce que c'est bien? J'arrive pas à t'avais rendre des, compte. T'avais des skis vieux en guise de sac à dos, mais bah pour qui t'es complètement taré. Tu posais ton stylo sur un ski. J'allais au collège en ski. Est-ce que c'est chelou ou pas? Bon, non, ça c'est stylé. Ça là tu devais être sûrement là. C'est parce que je viens de Haute-Savoie en fait, c'est pour ça. Tu devais être au Canada par exemple, ils vont à l'école en ski. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est raciste ou pas? Non, c'est pas raciste. Là j'ai plein de marques. Vous me dites si ça vous avez eu, vous avez pas eu. Moi il y a des trucs je me souviens pas du tout. Buffalo. Ah mais bien sûr. Oui. Alors, c'était les trucs. Mais c'est les trucs des biatchs. Moi personnellement j'avais pas ça. Eh ouais putain combien de fois je me suis fait sucer par des meufs en Buffalo putain. C'est comme ça au collège. Mais arrêtez les meufs elles arrivaient en Buffalo et disaient toi ta gueule tu baisses ton froc je te suce. Bien sûr les meufs qui avaient des Buffalo elles avaient des poussies aussi, les pantalons poussies. Les pantalons poussies. Oui. Ah parce que je croyais qu'elles avaient des. Ouais elles avaient des casquettes grosses chattes aussi. Non mais attends, les meufs elles avaient des chattes. Ben l'artiste. Bien sûr. Oh, lui, en blanc tous les sur agendas, noir. Oui, voilà, tous les agendas, les sacs à dos, les t-shirts. Même maintenant encore. Ouais, j'ai vu encore une expo de lui où il dit un truc genre de merde comme d'hab, genre l'art, bon je préfère la vie ou des trucs comme ça. Je l'ai interviewé, figure-toi. Oh, comment va-t-il? À l'époque où je travaillais pour la radio dans le sud de la France. C'est à dire peux-tu rappeler l'année à peu près? Oh là là, c'était 2003. Oh voilà. On peut revenir sur la blague j'ai d'Adrien. Pas entendu. Oh non, on n'est pas obligé. Oh non, c'était pas sûr pour pas. Est-ce qu'il était oncle Soul à l'époque ou pas encore? Oncle quoi? Oncle Soul. Ben l'oncle Soul. Ah oui, yes. Eh bien. Non, juste moi qui m'applaudis moi-même. Non, juste moi, Gaël. Vas-y, fais-le. Mais allez. Il a applaudi. Le deuxième applaudissement n'était pas de moi, je pense. Je suis en mono. Donc tu as et tout ça pour ben dire que c'est un mec génial. Il était extrêmement vieux. Non. Et à l'époque, on faisait une émission qui s'appelait Apéro Mouk avec mon groupe Jola Mouk. On buvait de la bière. Allez. Et il était très saoul, très vite. Et du coup, il faisait plein de blagues. Il était vraiment extrêmement vieux. Et est-ce qu'il avait un frère ou une soeur qui a des enfants? Parce que c'est et ensuite. Bon, ça va, cette blague est insupportable. Excellent, mais merde, putain. Tu vois, il recommence. C'était pas un prank tout à l'heure, le truc Facebook. T'es vraiment chiant, Adrien. Je te tourne le dos, regarde. Je vais finir les Monster Munch. Il me tombe vraiment le dos. D'accord. Non, c'est un artiste génial et surtout, on a tendance juste à connaître Ben avec ses petites écritures, les agendas, alors qu'il a fait plein de trucs super bien, et notamment au Musée d'Art Moderne à Nice. Le Mamak, il y a une œuvre incroyable de Ben, c'est une maison entière repeinte avec ses trucs, enfin, c'est avec hyper ses beau. Propres phrases. Je sais que je parle d'art contemporain, c'est hyper chiant. Non, pas du tout. Bah, attends, voilà. Tout de suite, il se braque. Bah, non, mais parce que. Je ne sens pas. Excellent. Tu l'as? Excellent. Oh là là, putain. Non, mais après, on essaie de parler de sa situation familiale. Au-delà de l'artiste. Et voilà, non, c'est et oui, sa maison, mais j'ai pas compris. Il a des nièces et des neveux. Et j'ai pas compris, sa maison est couverte de phrases de lui-même, c'est ça? J'ai pas compris. Ouais, il a une. C'est un peu prétentieux quand même. Non, c'est un salon recomposé. Moi, c'est mes scénarios de sketch tout autour de mon appart. Mais fais-le, ce serait conceptuel. Et c'est ce qu'il a fait, c'est très beau. Mais c'est de l'art, c'est de l'art. Et je vous conseille le Musée d'Art Moderne de Nice, qui est fantastique, avec des œuvres, notamment le Mamak, avec des œuvres de Yves Klein. On cherche tous une blague, évidemment. Oui. Personne ne rebondit sur ça, donc c'est parfait. Non, c'est un très très très beau musée. Ce qu'on a pas trouvé encore. D'accord. Voilà. Très bien. Et parlons contemporain. On est endormi quoi. Et est-ce que. Je suis désolé. Caca sperme. Ouais. Mais le chaleur. C'est bien plus drôle. Le pipi, le sperme. Oh là là. Excusez-moi. Je suis devenu fou. Et est-ce qu'on aime que l'amour? C'est une question que je me pose. Peut-être que Ben, il a peut-être écrit sur un agenda. J'aime que l'amour. Il est vexé qu'on se moque de Ben, celui-là. Ah, pas du tout. Bon, arrête. Non. Bah, prends une photo de ta tête, tu vas voir. Ok, excusez-moi. Non, mais qu'il soit un oncle sous, à la limite, bon, pourquoi pas. Mais est-ce qu'il avait un frère, par exemple, qui pouvait s'appeler. Peut-être Nuts. Oh putain! Là, je peux applaudir ou pas? C'est lui qui a des enfants. Bah oui. Parce que il paraît qu'il a un troisième frère, Jerry. Qui joue de la harpe. Jerry. Ben et Jerry. Il y en a un qui joue de la harpe aussi. Qui ça donc? Ben Harper. Oh oui. Il a une colline, je crois, mais qu'en Angleterre, c'est la Benny Hill. Oh oui! Et il court très vite, avec la musique en accéléré. Bah oui, il tape sur un petit chauve. C'est vrai. Bah, quelqu'un a une autre blague sur Ben ou je vois Jay réfléchir à sa Ben qui gonfle comme homme. Ça non, que je pourrais dire, c'est un grand homme Big Ben. Allez et toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Yes. Ah là tu m'aimes bien là. Moi j'aimerais bien qu'on fasse ça pendant 20 minutes. Et c'est parti. Bah on pourrait le faire mais en rappant. Non c'est bon je lance et pas. Et puis il est vraiment stylé. Ben Stiller. Comme quoi vous arriviez, oh il n'y a pas de thème, il n'y a pas besoin. On a bien rigolé. Il n'y a pas besoin. J'ai d'autres marques, vous me dites si vous connaissez. Cimarron Paris. Ah, Cimarron, oui. C'était Cimarron, ouais, avec un C. Cimarron, ouais, c'est un exact, C. Exact, c'est Cimarron. Cimarron, pardon. Bien sûr. C'était quoi? Ah, ça, je connais pas, moi. C'était une marque que je sais qui c'était une marque. Non, tu sais pas ce que c'était. Ben, j'avais ça, Cimarron, ça me dit quelque chose, c'est des fringues. Tu sais, toi, bah, il me semble. Ah, si, il y avait des pantalons. Des chaussures. De ce que je vois des photos, c'est des jeans voilà. très colorés. Voilà, des ouais. chaussures, ouais. Non, j'avais dit des pantalons. Moi, j'étais vraiment... Oui, tout ouais. ce qui était tendance à l'époque, j'étais à fond dedans. Quoi. Peut-être donc, j'avais ouais, un truc cimarron comme cimarron. Ça. Là, j'en vois cimarron. Un qui est... Ça me dit quelque chose. Chippy, avec un petit ah chat. Bah, ah oui. Ça, c'était stylé. C'était... Ça, c'était une grosse... Non, mais c'est vrai. Non, mais les gars... Non, alors... Chibi. Non, mais c'est vrai. Non, c'est non, faux. Je retire. Chibi, je retire. C'était mignon, prank, Chibi. C'était les chippies, tout simplement. C'était les petites chippies. C'était mignon, c'était mignon, c'est vrai. Mais t'avais une gamme grosse. Ouais. Un peu ouais. plus cher. Avec notamment des sextoy que tu mettais dans la trousse. Voilà. Exactement. Putain, là, je connais pas du tout la marque Aubert. Vous connaissez ou pas? Moi, je connais Flaubert. Flaubert, c'est moi. Mais j'ai pas vendu de fringues. Scott. Ah, Scott, je connais. Ah oui, bien sûr. Scott, mais ça existe encore, Scott, non? Ils vendent encore des trucs. Oui, c'est pas. Il y avait des bombers. Avec la fameuse étiquette à scratch. C'est plus vraiment. Tout à fait. Ça servait à quoi, ça, d'ailleurs, en vrai? De quoi? C'était un effet de style. Bah pourquoi l'étiquette que tu pouvais la descratcher? Parce que quand tu mettais le ouais. le manteau à la machine, ça évitait d'abîmer l'étiquette. Ouais, c'est sûrement ça. Mais c'est exactement ça. Pour pas qu'elle peluche. J'ai inventé, je pense. Ouais, je pense que j'ai inventé et je pense que c'est un truc plutôt inspiré de l'armée où je crois qu'ils ouais, ont des exactement. Trucs où ils remplacent, ils mettent leur matricule, des trucs comme ça. Tout à fait. Je pense que c'est. Tu pouvais mettre des patchs de groupe de rock. Moi, il y avait des gars qui faisaient ça dans mon collège. Ils mettaient c'est intelligent ça. Téléphone. Ah, ils changeaient leur. Indochine. Mais moi même, alors que je pensais que c'était un truc très années 80, c'est revenu. Mais après, je vivais en Bourgogne, donc il y a toujours un petit décalage voilà. d'année, c'est un peu les visiteurs. Mais en gros, il y avait les gens qui faisaient au fer à repasser des logos. Joli. Ils faisaient des logos. Ils faisaient des logos de groupes de rock au fer à repasser sur des vestes en jean. Ouais. Et vous, ah oui, exact. Ils le faisaient aussi, vous, donc oui. c'est de toutes les époques. Des patchs. Oui. Mais moi, j'avais une veste, mon vieux, hard rock total, moi. Est-ce que tu peux dire les groupes qui étaient présents dessus? Iron Maiden. Motorhead, ouais, Metallica, Sepultura, Téléphone, exact, Ben l'oncle Soul, Toto, voilà. Bien sûr. Non, je sais plus. Ah, c'est DC, bien sûr. Ah oui, donc hip hop, mais avec une petite. Ah, mais j'ai un petit passé de Hardos. J'ai eu les cheveux longs, les gars. Oh là là. Il passe du coq à l'âne quand même. Hein. De quoi donc? Lui. Lui, bon, il arrête pas, mais il est de tous les styles. Lui. Très radiophonique, ce lui. Avec un jugement de tête détestable. Lui. Lulu Castagnette. Ah, oui. Mais bien sûr. Ah non. Non, j'ai pas ça. Tu connais pas Lucas? C'est un petit nounours. C'est les filles, ça. Ouais, c'est plus les filles. C'est pas enfant, ça, carrément, non? Non, parce que ça, je l'avais au lycée. J'avais un petit truc Lucas Tanet que j'avais. Oui, j'avoue. Non, mais il y a pas de jugement. Il y a aucune honte. Je l'avais cousu sur mon sac Ispac. Ah, mais c'était juste un petit logo que t'avais, toi. Ouais, c'est un petit nounours Lucas Tanet que j'avais. Il y avait une double marque, du coup, sur ton truc. Ouais, qui a perdu toute sa valeur. Non, ce nom est atroce. Lulu Castagnet. Ouais, je déteste. Et en même temps, très drôle. On dirait une BD. C'est un peu anxiogène. C'est l'équivalent de Sylvain et Sylvette, tu vois, c'est vraiment les BD un peu pourris que personne. Sergio Tacchini, évidemment. Bien sûr. Pâte au gaz, tiens non. Oh, mais bien sûr. Des chaussures, incroyable. Chaussures un peu presque. Ça j'ai pas. Oui, c'est un peu moche. Pour la rando. Ouais. Elles sont avec le petit bout un peu plastique devant et puis un peu, tu vois. Pâte au gaz. Pâte au gaz. Ouais, pas très joli. Pas très joli. Que de marques. Mais là, moi, c'est le truc aussi. On a plein de copains qui font leur propre agenda. J'ai vu là pour Carrefour et tout. Moi, je kifferais faire mon propre agenda. Ouais. Comment ça, ils font leur propre agenda? Appel du pied, comme on dit. Ouais. Donc, Carrefour, si vous écoutez ce podcast, encore une fois, on essaie vraiment de se vendre. Non, il y a Natou, ouais. Cyprien, Squeezie. Ah ouais, et Morandini aussi. Et Thierry Beccaro m'a appelé. Et Greg Guillotin, mais c'est un prank en fait. C'est pas du tout un agenda, c'est un cahier de texte. Donc, tu l'ouvres. Un répertoire. Merde. Il l'a bien tué. Non, mais. Et je me suis dit, ouais, putain, j'aimerais bien faire un agenda. Parce qu'en fait, mais après, l'agenda, c'était pas vraiment pour écrire ce qu'on allait faire, c'était surtout pour avoir des mots. Des mots de gens, des copines, des potes, bien sûr. Moi, je faisais des dessins, je caricaturais les profs et je montrais à tous les copains. Ah, est-ce que tu t'es fait griller? Non, ça va? Une fois. Est-ce qu'on peut dire que déjà à l'époque, t'étais un peu Charlie, du coup? Vu que tu caricaturais un peu les profs? Non, j'étais Lulu. Castagnette. Ouais. Lulu Castagnette. mais moi, parce que moi, c'était Olé. Moi, c'est vraiment un sésame. C'était vraiment un sésame que j'espérais, moi, qu'on me demande d'écrire sur l'agenda. Vous avez écrit ou pas sur des agendas? César. Vous avez eu la chance ou pas de faire ça? Tu veux dire d'écrire sur des agendas de gens? Bah, ah oui, parce que à la fin de l'année. Que... Normalement, c'est. Non, nous, tout on le faisait monde, au début de l'année. Là, t'es comme si tu. En fait, merde, c'est... manger la cantine avec d'autres gens à votre table, vous l'avez fait ça ou pas? Votre père, il vous a déjà dit je t'aime. Non, il vous a déjà dit je t'aime, votre père. Non, non, mais si t'as des amis. Oui. En fait, c'est la base du truc. Ah, c'est juste ça. Bah, c'est là où j'ai foiré le truc. Ouais. Je n'avais pas d'amis voilà, au collège. Ouais, il me semble que j'ai pas écrit tant de mots que ça sur les agendas des autres. Oh non. Bah ouais. T'as un agenda là ou pas sur toi? Mais j'étais pas très très sociable. Quand t'écrivais un truc. Non. Je faisais quand même, et surtout en fin d'année pour. Ouais, se en dire fin d'année. Revoir, ouais. fin d'année j'espère que je serai dans ta classe l'année prochaine. Ouais. Ah. Tu me fais fantasmer. Non. Numéro de tam tam. T'avais un tam-tam? J'ai eu un tam-tam. Ah, moi, bon, j'ai de la drogue. Énorme bourreau. Ah oui, c'était plus pratique parce que. Sinon, c'est ma mère qui décroche. Oui, tu du shit, tout ça. C'est chiant. J'avais un tam-tam. Et oui, on peut le dire, Gaël, t'as vendu beaucoup de shit. Énormément de shit. Énormément de shit. Des conseils peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent, comment vendre du shit Quel moyen de... si on est jeune, hein, je veux dire. Faut couper le plus possible pour faire une marge de ouf. Donc voilà, de la terre, du terreau, énormément de terreau. J'ai un pote qui s'est fait niquer, il a acheté du shit à Porte de Clignancourt et c'était des... il était bourré et c'était du carambar et il s'est fait baiser. Oh merde. Il a vraiment acheté du carambar. Non, en fait, il l'a pris, il a donné la thune et après il s'est très vite rendu compte que c'était et quand il a demandé, le gars il a fait non. Il fait bah mec, non. Et après il l'a poussé, et du coup il a fait bah rentre chez peur, moi. Genre, mais, moi c'est ce que je lui ai dit. Le mec sort un flingue, oui. Bah oui, d'accord. Moi c'est ce que je lui ai dit, je fais c'est fou, le mec aurait pu juste te pousser et prendre ton argent plutôt que passer par ce stratagème. Oui, c'est vrai. Appliquant carambar. De faire tout un rituel. Oui, puis du coup, rien, puis, du coup il a perdu un peu de sous parce qu'un carambar c'est quand même quelques centimes. Autant le tabasser directement, je pense. Il a payé 200 euros un carambar en fait. Il a payé très cher. Bon écoutez, je peux même vous proposer un jeu si vous voulez. Oui, alors c'est un jeu que peut-être certains auditeurs ont déjà entendu, mais je ne pense pas. C'est un jeu qu'on a fait lors d'un live avec Natou pour la promo du film Le Manoir, dans lequel joue Gaël Mektoub. Ah, tu joues quoi dans Le Manoir, Gaël? Je joue le mec qui avait la flemme d'aller au tournage et qui est resté chez lui, à Paris, avec son chien Stéphane. Comment va Stéphane, d'ailleurs? Il va très bien, il va très bien. C'est vraiment le meilleur chien d'Internet, je tiens à le dire. C'est très gentil. Non, mais je te le dis, ouais, je te le dis comme je le pense. Je pense que je l'inviterai au prochain, au prochain podcast. Je l'ai jamais vu en vrai, putain. Moi, je l'ai vu en vrai, il est super, mais il essaie beaucoup de me faire l'amour. Oui, plus que des êtres humains, voilà. D'autres. Ouais. Moi, toi, t'étais vraiment au top du... Ouais, j'ai tapé dans son cœur. Ah. Bon, en tout cas, on a fait un live... Dans sa bite. Dans sa bite. C'est lui qui m'a tapé avec sa bite, oui. Pour le coup. Oui, oui. On avait fait un quiz. Enfin, j'avais fait un quiz. Et parmi ces quiz, il y avait une rubrique qu'on avait fait avec Adrien. Et Jérôme n'avait pas pu participer pour une histoire de blessure toute bête où il s'était fait très très mal lors de la série d'avant-première. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même dommage parce que le truc a été diffusé en direct un soir sur la chaîne de Natou, qui est quand même 11 milliards de fois plus de gens que sur ce podcast, mais bon, quand même. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas le coup d'y rejouer avec tous les gens autour de la table qui n'y ont absolument jamais joué? Je suis chaud. On a une bonne bande, on peut faire ça. On a une bonne bande. À part Adrien qui est sur son téléphone, qui a rien à foutre. Ça, c'est pas tu vas voir pourquoi, Gaël. Tu vas voir pourquoi. Peut-être pour participer au jeu. Pas du tout. Alors, en gros, c'était pour faire un jeu. Je vais vous expliquer le concept. Expliquer le concept du jeu. Donc, Le Manoir, c'est quoi? C'est une comédie d'horreur. On est d'accord là-dessus, Jérôme? Oui. Oui. Et bien, dans cette comédie d'horreur, deux genres qui sont mélangés. Du coup, on s'était dit avec Adrien, et si on faisait une chanson qui mélange comédie et horreur, il faut trouver les deux titres. Par exemple, là, ce que je vais vous montrer, c'est un synopsis de comédie sur une musique de film d'horreur. Il faut trouver quoi? Les deux. Ok. Les deux films. Les deux films. C'est génial. La chanson est interprétée. On va commencer avec un exemple. Si vous n'avez pas très bien compris, on le fera avec une autre. D'accord? Ok. Il y a sept chansons. Ok. On commence avec la première. Ah oui, d'accord. Okay. C'est dans un lycée américain, qui plus est, c'est dans un lycée qu'ils se font assassiner. On ne sait pas qui c'est, ce très méchant meurtrier, mais une chose est sûre, il aime vraiment beaucoup tuer. Il Scream. A bloqué une meuf dans la porte du garage. Son arme de prédilection Scream. Est le couteau. Il aime les films d'horreur et son masque est très blond. Derrière se cachent deux adolescents. Et la chanson, c'est La soupe au chou. Ah oui, La soupe au chou. Bien. La soupe au chou et Scream. Mais quelle voix délicieuse, Adrien. J'ai une petite larme de rigolade. Je précise que moi, j'ai chanté et j'ai fait quelques ajustements dans les paroles parfois, mais c'est écrit par Flaubert. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est interprété avec brio. C'est magnifique. C'est un travail en duo, tout simplement. Ouais, c'est comme ce podcast. Vous vous complétez. Nouvelle chanson, donc toujours un synopsis de film d'horreur sur une musique de comédie française, d'ailleurs. Je crois qu'elles sont toutes françaises. Les Visiteurs. Bien joué. Si tu dors, si tu t'endors, n'importe où, n'importe quand. Ouais, les Frédéric. Freddy, ouais, il merde. Risque putain. De et putain, te me déconcentre pas. Pardon. Englouti, enfant ton lit. Ça t'a mis dans la télé. Une chose est sûre, ce sera pendant ton rêve. Ça dure 25 minutes par contre. Son visage laisse un peu. Est bien cramé et sa main est gantée. C'est Freddy. De lames qui peuvent bien t'éventrer. Très bien. Vraiment stylé. Sachant que toute la comédie au niveau du texte, c'est de rajouter des biens ou des trop avant des verbes parce que ça rentrait pas souvent et qu'il manque des syllabes. Moi, généralement, je rajoute souvent oui. Oula. Ah, mais bah, un truc que tu rajoutes juste oui. Tu vois, et c'est ça. Nouvel extrait. J'adore ce jeu. C'est ouais, fantastique. Moi aussi, j'aime bien ce jeu. quand ils arrivent Aladdin. Dans l'espace, okay. Ils peuvent pas se douter Alien. De ce qui se passe. Ah oui. Tous se faire manger par un passager, sauf une meuf ultra badass qui va pas se laisser faire. Et bientôt ce titan vert, et elle va lui niquer sa mère. Il a ressorti la platine. Il faut dire d'ailleurs que la platine est faite à la bouche. C'est pas une platine, c'est fait. C'est impressionnant. Tout a été fait à la bouche. Donc effectivement, Aladdin et Alien. Voilà, très beau. Nouvel extrait. Lorsque t'allumes ta télé bien posée, que tu veux mettre une vidéo sans maquette, tu veux mettre un truc. Le truc japonais là. Les japonais là. The Ring. Oui. Et ça, c'est l'aile ou la cuisse. Ouais, exactement. Faire attention, une japonaise pourrait te tuer. Le refrain est important. Et ça va mal se passer. Tu ferais mieux d'aller au ciné voir le manoir. Moi je l'ai vu, il est bien. Oui, on fait un peu de promo, évidemment. On sait tout mélanger. Je chante tellement bien, dirait le chanteur de System of a Down. Exact, vraiment. Mais c'est vrai. Ouais. Je me suis inspiré pas mal. On inverse, ce sont maintenant des synopsis de comédies sur des musiques de films d'horreur. D'accord. Toujours françaises, les comédies. Il rigole, là-bas. Un noir. Les Dents de la Mer. Oui, et... Un noir. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Un chinois. Un arabe. Tous ces gens sont obligés de manger ensemble car ils sortent avec des meufs qui sont sœurs, mais les parents sont un peu racistes. Du coup, ça la fout vraiment très mal, tous racistes. Là, c'est Julien Clerc, hein, c'est plus Adrien. Tous racistes. Putain, tous racistes dans ce film. Oh là, ils sont vraiment très racistes. Nouvel extrait. Ah ouais, c'est parfait. Nouvel extrait, toujours musique de film d'horreur. Attends, oui, film d'horreur sur des comédies. Salut, Safa, je t'ai l'exorcisme. Cassé. Salut, Safa, Brice. Oui. Salut, Safa, voilà. C'est là, je crois qu'on n'a pas fait autre chose. On a juste mis Salut, Safa, Salut, Safa, et je t'ai cassé. Bien. On est pas beaucoup plus loin. T'as pas besoin de plus. Ouais. C'était assez efficace comme ça. Je suis content que ça ressorte, ce truc. Ah, c'est vraiment trop bien. Franchement, c'est drôle. C'est génial. C'est gentil. Il faut le vendre à Canal+. Bah à oui. Tout prix. Allez. On en est au... C'est parti. C'est déjà le dernier extrait. Oh non, non. Ça va à une vitesse folle. On en veut plus. Bah, je sais. On peut les refaire après. En direct. Il adore Adrien, ça, je pense. Oh, bah, pourquoi pas. Entre deux impro rap. Attention, le dernier extrait. Un peu vieux, un peu chauve et antisémite. Saut. La musique, c'est Saut. Aller se marier, très très riche. Les juifs le mettent très mal à l'aise. Son chauffeur, Salomon, pour le coup est feu. Ah, mais bien sûr, c'est Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, ouais. L'homme, il s'est rétamé en rabbin. Déguisé, il a bien dansé. Et il a bien dansé. Et le film d'horreur, c'est quoi, vous avez dit Saut? C'était Saut. Ah, d'accord. C'était Saut. Déguisé en rabbin, il a bien dansé. Je vous rappelle que si vous voulez les reprendre, je touche de la SACEM sur bien ces sûr. Paroles. Et donc vous n'aurez et bien pas bravo droit. Pour ce eh bien, écoutez, ouais, merci. Ok, j'en fais en live. Ah, oui. Tu veux un beat hip-hop? Bon. Non. Il a tout. Ah non, je peux pas. Il a tout le bagage nécessaire pour. Cette personne est noire, sa copine est blanche, il va dans sa famille. Les bronzés. Ils sont bizarres, ils vont l'ensorceler. Get out. Hey, les bronzés, get out. Et c'est là où il est très fort avec la comédie. Au final, c'est dans son sang, Adrien, c'est qu'il a fait référence à deux films qu'on a cités précédemment. Bien sûr, évidemment. Podcast. Ou alors c'est juste que j'ai cherché deux trucs et que les premiers qui sont venus, c'est. Bon, c'est le hasard. Quand même. Ouais, c'est voilà. Les amis, j'ai proposé aux auditeurs de poser. Et je leur ai dit que vous étiez là. Et les auditrices, excuse-moi, tu as raison. J'ai demandé aux gens de poser des questions sur le Curious Cat. C'est un site qui a beaucoup marché à une époque et que plus personne n'utilise, mais c'est plutôt pratique si vous voulez poser des questions anonymement, ce qui vous permet de poser les questions que vous voulez. Donc je leur ai dit qu'il y avait Ornella, Jérôme, Gaël et Adrien, mais ça les gens le savent, et ils ont posé leurs questions que je découvre un peu en même temps que vous, comme ça si elles sont gênantes je les couperai au montage, mais en vrai je les pose toutes. Alors, il y a plein d'auteurs sur YouTube qui étaient sur des grosses chaînes genre Golden Moustache et tout, qui reprennent leur chaîne solo. Bientôt pour toi aussi, Jérôme, comme Gaël est déjà plus ou moins sur la sienne. Alors la question, je pense, c'est vous, les gens qui ont rejoint Golden Moustache et Studio Bagel et qui ont du coup un peu délaissé leur chaîne solo, est-ce qu'il y a une envie, après avoir tenté l'expérience en groupe, de refaire un truc un peu solo comme Gaël a pu le faire avec Bat sur leur chaîne Bat et Gaël? Pour ma part, absolument pas. Absolument pas. Tu préfères l'expérience en groupe? Ouais, en groupe, et là j'ai pas spécialement d'idée personnelle à faire. Voilà. C'est une histoire d'idée ou une histoire de forme qui t'intéresse peut-être moins qu'avant aussi, le face cam un peu? Ah oui, le ça côté... c'est évident, ouais, c'est pour ça, ouais, si j'avais peut-être une idée qui me permet, enfin, de où je puisse en faire tout seul, vraiment là je ferais, mais sinon le format t'intéresse plus trop en fait. Là ouais, plus trop. Oh, OK. Une question pour Mektoube, Choco Seg ou Tartifoutre? Bah, le même niveau de question en tout cas. Sympa. Question suivante. Ok. Non, Tartifoutre. Alors ça, c'est une question. Les Tartifoutres. Bon, au final. C'est intéressant parce que tout le monde peut un peu répondre. Quelles sont les propositions les plus absurdes qu'on vous ait faites, pub, télé, ciné? Ornella, quelle est la proposition la plus absurde qu'on t'ait faite? De boulot, quoi. Oui, de boulot. Oui, de boulot. Ouais. Je te voyais partir sur des terrains. Quels sont les trucs les plus chelous Big dans votre intimité? Non, on m'a jamais proposé des trucs pas trop pas une pub pourrie, un film non. Où t'as rien à faire là-dedans. Ah oh bah il y a un truc disons que j'en ne suis pas très très fière mais que j'ai fait. Ah bah n'hésite pas. Bien sûr. C'est vrai qu'on a pu accepter ce dit. Ouais. Bah, oui, et ben bien sûr. J'ai 25 ans, je fais mes cours de théâtre et tout et j'ai un casting pour le jour pire, j'aurais préféré je te jure. Pour okay, bah... le jour où tout a basculé. Alors est-ce que vous bien oui. Évidemment. Mais moi tu sais quoi, je l'aurais fait moi. Mais bien sûr que je l'ai fait parce que je regardais ça tout le temps. Ah oui. Et quand on m'a proposé ça, j'ai dit vas-y, je me casse. Alors, on va juste dire ce que c'est le jour où tu as basculé. Génial, ouais, bien moi, sûr. Je sais pas. C'est des mises en scène de faits divers, c'est ça? On est là, tu peux expliquer peut-être? Oui, ce sont des mises en scène de faits divers qui sont censés être réels. Comme merci. Aux arcs. Okay. Arrête, Adrien. Allez, arrête. Il repart dans le mauvais esprit. Là. Et non, par exemple, là, en ce moment, il y a un truc genre sur les voisins. Enfin, c'est la même chose, mais vous connaissez pas mes ça. Mes chers voisins. Non, oui, des histoires de voisins. Oui, des histoires de voisins. Petit meurtre entre riches. Non, ça fait un peu genre là, ouais. Connaissez-vous vraiment vos voisins? C'est un vrai truc de C8. Non, c'est un vrai truc de C8, ça, petit meurtre entre riches. Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est pas ça. Là, c'est un autre truc qui passe et c'est genre connaissez-vous vraiment vos voisins? Genre, ouais. Voilà. Et donc, le jour où tu as basculé, c'était donc ça. Tu fais des. Et le principe, c'est que c'est très mal réalisé, très mal écrit, très mal joué, très mal éclairé, tout très mal. Tout très mal. Oh, je rêve de le faire. Mais tu sais que c'était. Donc, je l'ai fait avec Ariane Brodier à l'époque, que je ne connaissais pas du tout. Sûr. Ça se prononce Adrien Brodier, par contre. Juste. Oh, il est venu dans mon cœur avec une petite je suis content. Et donc, oui, c'était très sympa de le rencontrer d'ailleurs. Et on a joué là-dedans. Et en vrai. C'est une fierté pour moi parce que j'étais vraiment contente d'être trans. Je sais que c'est nul, mais j'étais hyper contente. Est-ce que tu l'as dans tes propres. Enfin, t'as récupéré l'émission ou pas du tout? Ça se trouve très facilement. Et quel était le fait divers? Alors en fait, bon, je suis le rôle principal du truc. Yes. Vraiment bah, on peut dire que t'es l'héroïne. Je suis l'héroïne complètement. D'accord. Je tombe amoureuse de notre nouveau coloc. D'accord. Parce que je vis en coloc avec Ariane et on a un nouveau coloc qui était chippy. Moyennement qui est un peu chippy. Il arrive et genre je suis éblouie par sa beauté et Bien sûr. Me meurs d'amour très rapidement. Et ils ont rajouté un flash de coup de foudre au montage, c'est insupportable. Avec une musique romantique. Je crois, exactement. Yes. En tout cas, il y a au moins une bonne basse qui fait bien évidemment, bah l'amour quoi, bon, tout bon, classique. Bon, bon. Et il se trouve qu'en fait, il est psychopathe et merde. Qu'il me séquestre et qu'il veut me tuer. Quoi? Oh putain, waouh. Excuse-moi, mais on a tous été surpris. Et ben heureusement que notre ancien colocataire est un flic et qu'il est venu me sauver. Putain, mais comme quoi, retourner en situation, je l'ai pas vu venir. Tu vois, c'est simple, je l'ai pas vu venir. Tu vous disais que c'était mal écrit, c'était qui pas mal. Et à la fin, tu te mets en couple avec ta copine. Non. Bah, il y a une scène de cul à la fin, bien sûr, mais ça, c'est pour. Voilà, c'est ouais, pour ça. Bah, ça vraiment restait, que vous le regardez. Énorme galoche ça sur TF1. C'est France 2 d'ailleurs. France 3. Non, France 2. France 2, ouais. Okay. Et il y avait une scène vraiment très gênante à la fin où il me séquestre dans la chambre et tout. Et genre, donc il m'attache les mains et j'étais censée être attachée à quelque chose. Mais comme il y avait très peu de budget et qu'ils n'avaient pas envie de se faire chier avec une mise en scène, j'étais attachée à rien, donc j'aurais pu m'enfuir à tout moment. Et on voit mon micro au moins 12 fois dans le truc. T'as juste collé tes mains, genre t'étais attachée, il n'y avait rien. C'est super, c'est la meilleure chose. Et voilà, et on voit mon micro 1000 fois quand je me lève derrière le truc. Bref, c'est génial. Et est-ce que le réalisateur te dirige? Moi, c'était la vraie question que je me posais. Ou est-ce qu'il dit, bon, faites votre texte? Mais est-ce que des fois il dit, alors, tu vois ce que tu viens de faire, un peu peu moins comme ça. Ils tentent des trucs comme ça, ouais. Et tu ne peux prendre aucune liberté sur le texte. C'est ça qui a chialé de rire. Bah, excuse-nous, ouais, bah... Adrien et moi, on a bossé 10 heures sur ce texte. Le seul truc, c'est que tu respectes un petit peu, quoi. Non, mais donc, c'est horrible, parce que du coup, forcément, que tu joues pas très bien, parce que c'est pas du tout fluide, c'est horrible. Ouais. Et tu n'as pas le droit de changer le texte. Alors, on reconnaît les comédiens. Oui, c'est la photo texte. Oui. Est-ce que c'est pas au niveau aussi, hein, des fois? Alors, est-ce que ça existe encore? Je crois que ça existe. Ça existe encore. Non, pas le jour où tu t'as basculé. Ah, c'est fini. Mais il y a le truc des voisins qui passe sur TF1, il me semble. Ça, c'est, pas, c'est vrai que c'est pas mal. Chapeau, hein. C'est pas mal. Jérôme, une proposition absurde qu'on t'a faite dans le travail? Je crois que ce sera plutôt dans les propositions de pub, mais je m'en souviens pas trop, donc je propose de passer à quelqu'un d'autre. Très bien. Mais peut-être, mais je désespère pas d'en trouver une d'ici la fin de l'émission. On va faire un petit tour. Adrien, attention, non mais tu vois, non mais c'est à s'y méprendre, mais attention, je vais continuer de réfléchir. Oh, bah là, vous le connaissez pas, hein, lui, hein, vous le connaissez pas. Non, mais voilà, je préfère. On passe un tour de table, tu vois, parce que après, je finirai par trouver. T'inquiète. Ce qu'on veut, c'est continuer, mais je réfléchis tranquillement. Adrien, parle d'ici la fin de l'émission. Et après, non, mais parce que comprenne pas. T'inquiète, parce que je suis pas. Et toi, Adrien, peut-être une anecdote un peu honteuse, enfin, un truc, une proposition un peu absurde qu'on t'a faite. Alors, moi, c'est il y a eu les 30 ans d'M6. Bien sûr. Là, je vais balancer. Hein. Oh, attention. Ah, bah, voilà. Je salue. Allô, Emmanuel. Je parle de Macron. Eh ben, assieds-toi bien, mon pote, parce que là, il va se passer des choses. Je vais pas balancer du tout. Mais c'est juste. Ah, je suis un peu déçu. Je suis un peu balancé. Merde, quoi. Ça va. Chacun a sa vision du balançage. Mais tu vas balancer. Tu veux dire un peu comme par exemple certains rappeurs qui critiqueraient la vie un peu de château, parce que dans ce cas-là, je peux peut-être te mettre ça. La vie de château, je vous dis pas chapeau. Très très bon rap. Donc une proposition absurde qu'on t'a fait pour les 30 ans d'M6. Oui, en fait, donc pour celles et ceux qui savent peut-être, qui ne savent pas, ou tout le monde, n'importe qui écoute, c'est pour tout le monde. D'accord. J'ai fait un truc, enfin avec toi, Flaubert notamment, entre autres. Mec qu'on n'écoute jamais dans les films. Qui était Adrien incrusté dans des scènes de films où il donnait son avis et personne ne l'écoutait. Et donc il y a un des producteurs de Golden Moustache qui vient me voir et qui me dit donc là c'est 30 ans M6 bientôt et en fait on voudrait faire un truc, on voudrait savoir si ça t'intéresserait d'écrire pour ça. En fait on voudrait refaire un peu le mec qu'on écoute jamais dans les films, mais ce serait le mec qu'on écoute jamais dans les émissions d'M6 avec Stéphane Plaza. Et j'ai dit alors non, surtout pas, et surtout par pitié, n'appelez pas ça le mec con, enfin qu'on ne puisse pas associer les deux, quoi. Ouais. Et donc pour l'anecdote, ils ont demandé après à tous les autres gens qui ont bossé sur le mec qu'on écoute jamais dans les films, tout le monde a dit non. Enfin, moi, j'ai dit non. Ouais. Il me donnait pas assez, donc je l'ai pas fait. Mais à la base. Non, et au final, ils ont dû trouver quelqu'un parce que apparemment, j'ai pas pu le voir, mais ils l'ont fait à peu près avec Karine Le Marchand. Ah bah voilà, bien sûr. Voilà. Et d'accord. Donc, voilà. Non, c'est vrai qu'au final, on n'a jamais vu ce truc. Bah, je l'ai pas vu, moi, mais j'avais vu des tweets passer genre ils ont fait le mec qu'on écoute. Hein, et j'ai oublié de regarder le replay. D'accord. Mais c'était une belle idée. Ouais, original en tout cas. Gaël, est-ce qu'on t'a fait une proposition un peu absurde, toi, dans le travail, dans le monde du travail, qui est l'artistique au final? On avait eu un truc avec Baptiste, c'était la journée du Prout. Ah oui, c'était la journée internationale du Prout. Ouais. Et c'était Cartoon Network, je crois. Parce que c'était un truc de publicité. Et ils nous ont teasé le truc, ils nous ont dit on va faire un ballon péteur géant que les gens pourraient sauter dessus et ça fait des vrais Prouts. Ah, c'est bien. Donc on s'est dit trop marrant et on avait fait un sketch et tout. Et effectivement, on y croyait à moitié. Et le jour J, c'était la journée du prout. La belle surprise. Ils ont vraiment fait un ballon péteur géant avec les enfants qui faisaient la queue. Il y avait vraiment 100 mètres de queue pour que les gamins viennent sauter sur le ballon péteur. Et ça faisait un méga prout. Un prout énorme. C'est génial. Les gamins étaient morts de rire. Ouais, on avait fait une petite chanson, les proutes. On chantait devant les gamins. Et c'était trop marrant parce qu'il y avait vraiment que des enfants, mais très très jeunes, de 6-8 ans, qui faisaient les proutes avec nous. Et derrière, ça sautait, ça fait le truc sur des enceintes et tout. Et c'était super what the fuck, mais très mignon à la fois. Ah, c'est génial. Donc ouais, la journée du prout, c'était bien. Ouais, une belle OP. Fou, très stylé. Oui. Une question qui ressemble un petit peu à celle à la précédente, parce que du coup, Jérôme a trouvé un truc d'ici ouais. là. Auriez-vous des anecdotes croustillantes à propos de vos tout débuts sur Internet? L'anecdote croustillante à propos de mes débuts, elle est un peu liée à Gaël, parce que moi, j'ai montré mon cul sur Internet, à mes tout débuts. J'avais fait à l'époque, sur 10 minutes à perdre, Bat et Gaël avaient fait un concours de reprise de 10 minutes de leur chanson. Ouais. Et j'en avais repris une, repris Le Lundi Matin, qui était une chanson qui tu fais caca dans les bois. Je sais pas si les gens se souviennent de cette chanson. Tout à fait. Et je l'avais repris un peu à la Jason Mraz, un peu avec une guitare sèche et un chapeau. Merde. Et à la fin, on voyait mon cul. Et j'ai effacé cette vidéo. Mais t'as pas la musique? On aurait pu écouter la musique. L'original ou la nouvelle? La tienne? Non, moi je l'ai plus, j'ai plus rien. Moi, en fait, je l'ai supprimé et malheureusement. Dans les bois. Ouais, est-ce faut que dire que c'est 10 000 à perdre qui a lancé la carrière de Flaubert. on peut le dire finalement. Bah, c'est ce qu'on peut garder de tout ça en tout cas. Bah, oui. Non, mais c'est vrai, c'est un de mes tout premiers trucs que j'ai fait sur Internet, en tout cas. Et bah, c'est mignon. C'est mignon. Et toi, Ornella, une anecdote croustillante à propos de tes débuts, mais tu te passes sur toi, t'as fait de la scène aussi. Ouais. La scène, des fois, c'est un peu dur. Ben, c'est. T'es pas sûr de la fin de ma phrase. C'est oui, c'est j'ai ça. Cherché un mot compliqué, ça a fini sur dur. Pompier, c'est un peu chaud comme métier. Bah, j'ai eu un truc, ouais, en fait, j'ai commencé au Festival d'Avignon, donc première fois de ma vie que je joue mon spectacle. Pour les gens qui connaissent pas le Festival d'Avignon, c'est vraiment un truc où tous les humoristes et tous les théâtreux jouent un peu leur truc pour la première fois. Pendant genre 25 jours d'affilée. D'affilée, voilà. Et les gens sont très... C'est à Avignon. C'est à Arles, tu verras. Le sud. Et non, c'est vraiment hyper cool et tout, sauf que donc, c'est la première fois de ma vie que je joue mon spectacle, et pour... Vous n'avez donc pas vu mon spectacle autour de cette table, si Adrien, peut-être bah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il y a un passage où je mime la sextape de Kim Kardashian. D'accord. Donc en me servant du micro et tout, enfin je fais voilà, je mime quoi. Et en on fait, peut dire que tu suces le micro. Tu suces le micro. Il n'y a pas que ça. D'accord. Ok. Doucement les jugements. Pas vraiment. Tu t'assois sur le micro. Attends, sur scène, tu te fous le micro dans la chatte? Non. Ah oui, non. J'ai cru, j'étais surpris. Mime. C'est un jeu de mime. C'est un mime. Pas en vrai. J'étais surpris. Et en vrai, il y a vraiment un truc où je lèche le micro. Enfin bref, c'est vraiment un peu. Enfin, on est là, c'est un mime. C'est un mime. Chippy. Après, chacun voit ce qu'il veut, d'accord ? Bien sûr. Et je l'avais donc très peu joué. Et en fait, au premier rang, il y avait une petite fille de genre 9 ans. Aïe. Et je n'ai jamais été aussi mal à l'aise de ma vie. Et son père a vraiment kiffé le spectacle. Son père s'est tourné vers lui et a dit : c'est une bite. Là, le micro, c'est une bite. Non, mais c'est. Mais vraiment. Et en fait, j'ai un peu arrêté. C'est une bite, là. Oui, chérie. Non, ça, je l'ai fait quand les gens sont des adultes comme nous. Ouais. Quand je captais que les gens étaient mal à l'aise, pour un peu, voilà, j'ai vraiment dit genre, c'est une bite, je suis une bite. Oui, bien sûr, pas voilà, pour expliquer ça, aux gens. Voilà. Là, ça passe ou ça casse. Ouais, bah, les gens, en général, ça casse, vraiment. Mais c'est pas grave. Oh, je t'ai cassé, Bruce Dennis. Bruce Dennis, bien joué. Donc voilà, 9 ans, le léchage de micro, c'était moyen. C'était un peu gênant. Malaisant, mais ça va. Gaël, une bonne question à propos de tes débuts. C'est pas mal ça. Ouais, j'aime bien. Okay. Ouais, moi j'aime bien, mais aussi. Donc on juge les anecdotes également. Les anecdotes. Non, mais j'ai trouvé cool quoi. Une hiérarchie des anecdotes. oui, nous c'était au début avec Baptiste qu'on faisait 10 minutes à perdre. Ah ouais, putain. Yes. Et voilà, rubrique suivante. Il y avait le cul de Flaubert, apparemment. C'est ça, il était présent. Non, c'est qu'à l'époque, donc on tournait dans mon appart minuscule de 16 mètres carrés. Qui était dégueulasse, et on a eu l'opportunité de faire une vidéo avec LMFAO. Oui, je vous vous vous rappelez. À l'époque, Every Day I'm Shuffling. Voilà. Every Day I'm Shuffling. Et c'était. C'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment ça. Trois notes, les trois premières notes, oui. Et après. Bon. Arrêtez les droits d'auteur, les droits d'auteur. Et bref, on connaissait pas nous avec Baptiste. On nous a proposé ça. On n'avait pas encore fait de truc avec des guests. On avait fait vous avez fait la fouine. On avait fait la fouine avant, c'était déjà un peu bizarre. Et nous, on regarde sur Internet, on voit le clip de Every Day, machin. Et on voit Shuffling. Non, c'était Party Rock. Et on voit 50 millions de vues, on fait. C'est la même chanson, Gaël. Incroyable. Non, c'est une autre. Non, si c'est la même. Ah, si c'est la même. C'est la même. Attendez, je réfléchis. Non, si là. Oui. Exact. Oui. Oui. Attends, on va en écouter un extrait. Attends, il faut que je fasse. Allô ? C'est moi, c'est LMFAO. C'est LMFAO. C'est LM. Avec eux. Et bref, on dit bah, ok, faisons-le, c'est rigolo. En France, ils n'étaient pas encore connus. D'accord. Et ça, c'était donc un mois avant. Arrive le jour J où on doit tourner. Et ils arrivent donc devant chez moi, devant l'appart. Avec Baptiste, on avait un peu peur et tout. Et là, ils arrivent avec un énorme bus, genre un tourbus, 4 gardes du corps, 5 agents et 2 impresarios, je sais pas quoi. Dont donc, un qui fait du kung-fu. Dont un qui fait du karaté. Et là, on se dit, waouh, impressionnant, c'est chaud, quoi. Et il y a vraiment les mecs avec les oreillettes qui étaient dans la rue, les gens qui passaient, qui ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passe. Et là, ils montent dans l'appart, ils nous disent, c'est quoi votre truc ? Alors qu'on avait envoyé le scénario. Ah merde, il ne savait pas. Dit. Donc, les petit deux, rappel, l'appart, il fait 16 mètres carrés. L'appart fait 16 mètres carrés. Est-ce qu'on peut histoire. Rappeler le synopsis du sketch ? C'était Star Pills ? Oui. Oui, on prend des pilules et on se transforme voilà. Mais en ils font du clavier prout à un moment. Et à un moment, ils jouent du proto-teaser. Voilà. Et c'est ça qui a sauvé le sketch. Parce que imagine, les deux gars sont assis sur le canapé. Mais c'est dingue. Il y a le mec américain qui fait Yeah, you know what is it, the sketch. Alors moi, j'essaie d'expliquer en anglais. Et j'ai dit, on fait ça, on prend des pilules, on se transforme en vous. Et puis et après, je voyais que les mecs n'étaient pas du tout réceptifs. Et je dis, et à la fin, vous jouez The Fart Machine. Vous jouez du proto teaser. Là, les deux se regardent, font. Charmé. Putain, ok. En anglais, c'était pas putain. Ouais, parce qu'il faut savoir, okay. Faut savoir qu'à l'époque, c'était genre les MFAO, c'était. Bah, ouais, vous les avez pas eu, genre 7 ans après, quand tu te dis, ah, c'est un peu sympa de les avoir. Oui, oui, non, ils ont fait le Super Bowl avec Madonna. Mais c'était juste avant que ça explose en France. C'était vraiment, ouais. Ils étaient. Effectivement, nous, deux mois après, on les voyait faire le Super Bowl. Improbable. Ok, ils étaient sur mon canapé en train de péter, quoi. Improbable. Non, c'était dingue. Incroyable, mais on n'en revenait pas. Et par contre, le truc rigolo, c'est qu'ils nous disent, ok, bon, ben, on fait le sketch, aucun problème. Vous avez 15 minutes. Ah. Elle en fait, pardon. Là, c'est moins drôle. Vous avez 15 minutes pour tout tourner. Là, on fait wow. Alors que Batégal, en plus, enfin, je veux dire, il y a de la grue, il y a du travelling. Il y avait une grosse équipe. Ouais. Non. Tout à fait. Et à l'époque, on faisait tout avec une caméra, un ordinateur, on se filmait chacun. C'est pour ça qu'on faisait des regards cam. Et donc, on a vraiment tout fait en 15 minutes. On a réussi à le faire. On a fait un plan sur chaque truc. Tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Et à la fin, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, pardon, excusez-moi. Et pour finir avec cette anecdote qui est vraiment très longue, à la fin, il fait un vrai prout. À la fin, il fait every day I'm farting. Et puis, il a vraiment fait. Il a vraiment pété, les deux se sont regardés, ils ont rigolé à mort, ils étaient trop cool. Et on s'est dit, ok, en fait, ils sont jeunes, drogués. Ah. Putain, et ça, c'était incroyable. Et alors, petite question, est-ce que ça sentait la merde? Son P? Quand il a prouté. Ça sentait un mélange de merde et de drogue et de bière. Oh. Et de coke. Voilà. Et nous, on a senti comme ça. Putain, c'est cool. De la merde à la coke. Oui, très bien. Tout à fait. Eh ben, je vais juger cette anecdote qui est passionnante. Ouais, bah oui, bah non, mais que des anecdotes chambres. Merci, ça me touche. Vraiment. Ça m'honore. Quel est votre rapport à tous ceux qui en ont fait à la scène? Et j'ai envie de commencer par, parce que Jérôme, t'as pas beaucoup parlé depuis tout à l'heure. Toi, tu as fait le Zapping Amazing 2 à une époque, ce qui est quand même, t'as passé de zéro truc de scène à 11 zéniths. Ah oui. À plus de scène du tout jusqu'à la fin de tes jours. Ouais, c'était très donc, drôle. C'est fou quand même. Comment t'as vécu ce truc-là? J'ai vécu ce truc-là trop bien. Je pense que c'est un des meilleurs trucs qui me soit jamais arrivé. Ah ouais? Non. Pas spécialement. Non, par contre, c'était extrêmement grisant et galvanisant. J'aimerais bien en refaire peut-être un chala. Si je trouve un truc à dire, d'accord. Enfin à faire qui me plaise, mais c'était dingue, ouais. C'est enfin là on avait un public comme c'était notre public du web, c'était un peu un public acquis. Bah mais... vous non. Ouais. Ouais. Acquis. Ah oui. Gaël, pas la peine de faire cette gueule. Non parce que en fait un public acquis, c'était voilà, des mecs de l'armée, hein. Des militaires. C'est je réfléchissais pour la sortir en fait. Mais, c'est bien ça, Flaubert. Allô. Mais... Je vais téléphoner à quelqu'un, ouais. Qui est genre. C'est le Zapping Amazing. Ah, on arrête. Allez. Non, j'appelais quelqu'un. Oh, c'était. Et surtout, ce qui était assez incroyable, c'est qu'on en faisait, on était en groupe. Et je pense, par rapport à des tournées tout seul, moi, ça m'a toujours déprimé de savoir que tu partais tout seul sur la. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Oui, et les chambres d'hôtel tout seul avec ta télé et TMC. En fait, quand t'es à Sochaux à 10, c'est toujours mieux que d'être à Sochaux. Oui, parce que là, Zapping Amazing 2, vous étiez en bus. On était en bus, tous les copains et tout. À Compiègne. Enfin, moi, je suis plus quelque chose de. Enfin, vivre les trucs en groupe, ça va, les mecs. C'est les mecs. Les mecs. Voilà, j'allais dire en groupe. Et c'est justement pour ça, parce que quand on est en groupe, il y a des trucs comme ça et au moins ça vit, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On peut s'engueuler, mais tout seul, tu t'engueules, tu peux pas trop engueuler toi. Ça va, les mecs, et où et ça. Pardon. Bon. Mieux craindre tout seul. Non, mais putain. On va continuer avec Flobby et Ornel. Ouais, désolé, mais. Parce que si t'es à Reims, tout seul, ou à Reims à 10, bah c'est mieux à 10. C'est vachement mieux à 10. Bah c'est mieux à 10, tu verras quand tu seras tout seul à Reims. Tu penseras à moi. Mais je vais, tu sais quoi, j'ai déjà été tout seul. Je vais faire une tournée et je vais être ton tourneur. Pour une tournée, mais tu seras toujours tout seul. Tina, mais je vais rassembler un maximum d'argent pour que tu vois juste ce que ça fait comme expérience. Tina, ok, très bien. Et sur une date, je te Tina mettrai. Tina Turner. Allez. Oui, c'était ça. Ça va, les mecs, les enculés là. Oh la tristesse. Allez, bon. La tristesse, s'il te plaît. Tina Turner, c'est la meilleure de la soirée. Hey, c'est la meilleure. On l'a appelé d'ailleurs Tina Turner. Ce sera le titre, ouais, sera le titre du podcast, je pense. Allô, Tina Turner. Tina Turner. Je crois qu'on a Tina Turner au téléphone. Allô. C'est Tina Turner. Oui, oui, oui. Qui m'appelait pour? C'est quelle est votre profession? Je vous entends. Oui, je suis tourneuse. Ah bah donc du coup ça n'a rien à voir. Je raccroche parce que j'ai raté ma blague. Allez, bonne soirée. Complètement perdu la voix. C'est nul. Excuse-moi Grégory. Putain, Greg il fait la gueule derrière. Non, bah... Excuse-moi Grégory, j'ai raté le prank. Non, voilà, attends, ça arrive en même temps. Et on est là, toi, des expériences de scène. Bah, tu nous as raconté quand même la pipe devant une enfant de 8 ans. Oui. C'était déjà tout une simplement. Belle anecdote. Tout simplement. Bah, toi, qui dois plus être confronté à ce dont j'ai parlé pendant que les se déboulaient. Voilà. Pendant qu'ils en avaient rien à foutre. Ouais. Non. Alors là, au contraire, on était impliqués. Non, mais c'est ce que j'allais te dire. En fait, c'est la raison pour laquelle je ne fais pas de tournée. Ah bah voilà. Je n'ai jamais fait de tournée et ça ne m'excite pas. Mais apparemment, en fait, t'es rarement tout seul. T'es avec toute ton équipe et tout. Donc ouais, c'est mais assez le, cool. Ouais, mais le soir, quand tu rentres, t'es moi, dans je dors jamais seul. Ouais. Je rencontre toujours quelqu'un, un clochard, un truc moi, qui peut dormir avec moi le soir. Je dors jamais seul. J'ai, tu vois. Bah, j'ai peur de ça, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de tournée. Mais tu vois, et j'ai joué qu'à Paris. Et il y en a qui font ça 4 ans. Ouais. Et pour avoir parlé parfois avec 2-3 personnes qui sont qui font du stand-up seul, parfois c'est un peu parfois c'est long, un peu badant. Et bah, c'est moins bien ouais, que, c'est si vrai. Que si t'étais 10 à Reims, que si t'étais 10 à Mulhouse ou quelle autre ville. Lisieux. À Nantes. 3 à Nantes. 3 à Perpignan. 3 à Perpignan, c'est bien. Voilà. Non, 3 à Perpignan, enfin, c'est 3, bien. C'est pas beaucoup non plus en même temps. Non, mais tu peux déjà. Tout dépend de la cantoche. Mais non, mais il y a des gens qui adorent la tournée. En non. Revanche. Ah si, parce que bah là, mec, bah, je suis désolé, j'ai un téléphone. Attends, excuse-moi. Ah, bah, on va l'appeler, on va l'appeler. Oui. Bah, recoupe allô tes infos. Oui, allô. Allô. On a. Mec, on a marre de faire la. Oui, allô. Donc, Damien, qui est seul à Perpignan, visiblement. Alors, il vaut mieux être 10 à Perpignan que tout seul à Reims. Merci, Fabrice. Bonne soirée. Bon, bah voilà, effectivement, t'avais raison. Bon, les amis, ça, on a beaucoup enregistré par rapport au fait qu'il n'y avait aucun sujet. Je vous remercie c'est beaucoup. Vrai. Attends, on va pas on a parlé là-dessus. De absolument rien. Bah non, on finit sur une musique. Alors, il la musique de Gaël. Ah, c'est vrai. Attends, on va finir un dernier coup de fil. On va peut-être appeler quelqu'un. Allô. Appelons allô. Une femme. Allô. Oui, Mathilde. Oui, bonsoir. Comment finit-on l'émission, à votre avis? Ah, moi, je sais. Arrêtez. On arrête l'émission. On arrête. Ah, d'accord. Ouais, ça aurait pu être une pure fin. Moi, je voulais appeler Carlito pour lui demander 1000 euros parce qu'il m'a fait un canular et je voulais le refaire aussi. D'accord. C'était quoi, attends, c'était quoi le canular? C'était, mais là, il est tard, il est avec ses enfants. Oh, ça, c'est sûr. C'était quoi le canular? Il est en train de faire une story. Ça va. Tu vas juste demander. Il est avec 23h30, ça va. Même pas 22h, non mais où? Il est 22h. Même pas. On n'avait pas dit qu'on finissait à 21h. C'est vrai, ça. Allô? T'as pas 1000 euros? Ok, c'est bon. Donc, voilà, donc on a répondu à Carlito et leur clash dans leur. Parce que voilà, ils m'avaient demandé 1000 euros dans une émission bien. Et du coup, on a bien répondu. Ça, c'est bien. Écoutez, c'est la fin de cette émission. Yes. Merci à tous d'être venus. Merci. C'était vraiment très cool. Sympa. Vraiment. C'était vraiment cool. Oui. On peut se quitter avec une chanson, Gaël. Ah. On oui. peut aussi se quitter peut-être avec du hip-hop, Adrien. Oui. C'était chaud. Putain, très bien. C'est parti. On va faire, tu crois, tu vas résumer ce qui s'est passé dans cette émission en rap. Waouh. Ah waouh. Allô. Peut-être pas. Ok. Adrien Méniel. Flashback. Représente. C'est l'inverse. C'est l'inverse d'un flash forward. Exactement. Oh oui. Saison 3 du Floodcast. Si je décris épisode 14. Go. On a fait. On s'est raconté. Ok, on a rigolé dans l'émission, ils faisaient des rires. Poula. Ils faisaient des rires. Attention, c'est vrai. Parce que souvent les rappeurs rient. Ouais. On s'est raconté des anecdotes incongrues. On a bien ri comme des bossus. Oui, c'est une vraie expression. Ah oui, on a ri comme des bossus. Attendez, pardon, excusez-moi, il y a Carlito qui m'appelle. Désolé, pardon. Allô. Allô. Ouais, ça va. Ouais, je voulais t'appeler parce que je voudrais réaliser des pubs là pour le DVD de Gad Elmaleh. Ouais. Et du coup, apparemment, ça, tu pourrais m'aider quoi pour trouver un réal. Oh ouais, je peux trouver ça, bien sûr. Okay. Bah, tu m'envoies le 06. Pas de soucis. Carlito. Ouais. T'as pas 1000 euros? C'est bon, j'ai accroché. Il va rappeler. Il va sûrement rappeler. Bah écoutez, merci à tous. Alors, est-ce qu'on va faire un dernier petit tour de table? Ornella, ton actualité, ce que tu fais en ce moment, que fais-tu? Que fais-je en ce moment? Eh bien, en ce moment, je fais un truc un peu rigolo. Il y a mon beau-frère qui t'appelle. Non. Il rappelle, putain. Il rappelle également. Oui, c'est vrai, Carlito est ton beau-frère. Bien évidemment, oui. Attendez, excusez-moi, pardon, ça prend un peu de temps. Allô? Ah merde, c'est Flaubert. Attends, je voulais appeler Rap des Cracks. Attends, Oui. Ton actu en est là. Alors, j'ai une actu un peu drôle qui ne concerne pas la comédie. Ah, bah je t'en supplie. Car j'ai dit oui pour une pub. Ah, LCL. Non, j'ai dit oui pour être la nouvelle égérie Mauboussin. Vous connaissez Mauboussin? Moi je connais Lulu Castagnier. Je connais Mauboussin. La même vanne. Mosanto. Non, c'est de la joaillerie. Louboutin. Waouh. Non. Mobutu. Mon poussin. C'est tout nouveau. C'est pourquoi, c'est pour des photos, c'est pour un sketch. Daroussin. C'est pour des photos, photos, pubs. Avec où tu montes ta main, tu fais oh là là, est-ce que ce serait pas une belle. Une belle bague. Une belle bague, ça chipie. Hein, un petit chipie. Il vient de me faire un fuck très discrètement. La Toussaint. Et ça m'a excité. Les vacances de la Toussaint, peut-être. Tout ça, tout ça. Mais genre, on va voir ton visage et ta main qui montre une bague. Exactement. Ta bague qui montre un visage avec une main. Ce sera plus ma main qui montrera une bague avec mon visage posé comme et ça. Et affichage en quoi? En 4x3 sur quoi? Sur le périph? Attends, excusez-moi, il y a Carlito qui appelle. Je suis vraiment désolé. Non, on en fait une émission. Je suis désolé. Bah ouais, non, mais on fait une émission. Je suis rendu. Allô. Allô, pardon. Je voulais juste appeler. T'es bien l'auteur des Floodcast? Oui, c'est moi. Ok, c'est en streaming, on peut les télécharger? Oui, ils sont sur, disponibles sur iTunes et sur SoundCloud. D'accord, juste pour renommer le fichier, c'est pour que j'appelle ça le podcast déjanté ou le podcast insolite. Qu'est-ce que je fais? Bah alors, tu peux l'appeler déjanté, après c'est vrai qu'il a des petites phases insolites, donc en vrai c'est tout à chacun, tu fais comme tu le sens. Hein. Bon d'accord, bah, je te remercie, je t'embrasse. Je t'embrasse, bisous, ciao. Excuse-moi, pardon. Non, donc, je t'en prie. Ouais. Non, voilà, affichage, gros affichage de ouf, métro, vraiment. Genre, ah oui, d'accord. Ouais, ils ont. Ah ouais. Ils mettent. Ouais, ils ont envie qu'on achète des bagues. Tu l'as fait? Les photos sont prises? C'est la semaine. J'en ai déjà fait cette semaine et je fais la semaine prochaine mes photos. Une sorte de shooting. Mais ouais. Et on pourra voir ta gueule alors dans le métro à partir de quand? À partir de mi-octobre ou début novembre. D'accord, t'as gagné combien? Pas mal. Ah, plus. Attendez, excusez-moi, il y a Carlito. Il y a Carlito qui appelle. Je suis vraiment désolé, plus, pardon. Putain. Pardon, attendez, excusez-moi. Allô? Alors après, vraiment, je vous laisse tranquille. Non, mais t'inquiète, vas-y. Ok. Il y a Ornella qui est là. Oui, elle est présente. Bonsoir. Bon, elle, tu l'embrasses très fort. Salut, ensuite, Carlito, comment ça va? Attendez, les gars, parce qu'en fait, le téléphone est collé au micro, donc il vous entend pas. Mais si, ça bien sûr, pas. Tu es en allez, quand même Carlito. En direct sur Radio Nova. En tout cas, il y a Jérôme, Gaël et Adrien qui te font des bisous. Des bisous. Salut, alors tu repars avec Crash Bandicoot. Jérôme et Gaël, et tu diras à celui qui a perdu ses deux parents que c'est pas une raison pour manquer de respect. Répondre à Carlito. Et ensuite, non, après je vous laisse tranquille, hein, je kiffe ce que vous faites, mais non, j'ai pas 1000 euros parce que je le fais que sur une chaîne qui me rapporte énormément d'argent. Oui, c'est ça, mais grâce à Squeezie, c'est ça l'idée, c'est que vous profitez voilà. De la popularité de Squeezie. Je sors dessus, ouais. Bon, je te fais des bisous, Carlito. Ouais, bisous, à bientôt, au revoir. Yo. Yo. Yo pour dire au revoir. C'est les jeunes. C'est les jeunes. Donc très bien. Excuse-nous, t'as été beaucoup coupé par ton propre beau-frère. Non, mais bien évidemment, il fait ça souvent. Et donc du coup, oui. Non, et on prépare des petites choses croustillantes pour d'accord. Canal également bientôt. Super. Donc c'est sympathique. Bah, bon voilà. Délire. Le roast de Jonah Hill, je crois. Ouais, exactement. C'est que toi. On reçoit Will Ferrell. Et j'ai prévu des trucs. Voilà, avec chaque gens que j'aime, j'essaye qu'ils me détestent. C'est un bon concept. Un bon concept d'émission. J'ai essayé de faire en sorte que vous me détestiez, j'espère que ça a marché. Eh ben, c'est raté, crois-moi, c'est raté. Ah merde, bon voilà. Jérôme. Hein? Bonsoir. Ah non, on dit juste les prénoms là. On dit juste les prénoms, ça va. J'ai rien à dire. Et bien moi, alors. Je vous en supplie, parce que Flaubert. Du coup, il n'y a eu que des bips. J'aimerais qu'on tease alors, sans dire trop. Tu as joué dans une série, je crois. Exactement, 10 épisodes de 20 minutes qui va sortir en janvier, ouais. Sur laquelle des gens ont travaillé du nom de Flaubert, justement. Adrien Méniaf, Robin Sman et Axel ont écrit cette série dans laquelle j'ai joué. Je suis le rôle principal, mais il y a aussi des gens qui jouent dedans, beaucoup de potes, et ça sort normalement en janvier. Sur YouTube. Tout est tourné, tout est monté, on peut le dire. Et voilà. Et on n'attend plus que ce soit visible. Adrien, c'est bien sûr une série comique. Oh bah il y a de l'humour tout de suite. Évidemment. Tu m'étonnes. Adrien. Bah, moi la même du coup la même bien sûr. La même actu, la même anecdote, hein. Non, voilà. Les gens font oui, un petit Adrien, peu les liens, voilà, je parlais cerveaux. Des auteurs, donc Adrien fait partie des auteurs aussi avec Flaubert, Robinson et Axel, mais il joue dedans également. Oh car je suis multi casquette, un véritable Bob, excellent comédien. Et ouais, attention parce que en France les casquettes, on met beaucoup de casquettes, donc et ça c'est tu es Lulu Castagnette. Prends un verre casquette. Ça sinon je vais participer à chroniqueur entre guillemets, c'est fictionné, mais le podcast. Mais arrête enfin. Et il va putain entre pas marqué Jonah Hill. un podcast qui s'appelle Nostalgie 2050, qui est présenté par Thomas VDB. Bien, et le ça. Principe excellent. Est de faire une émission prétendument se déroulant en 2050. On reçoit un invité, genre il y a eu dans la saison 1, il y a eu Aurel San. Je vais respirer. Il y a eu Orelsan, il y a eu Nicole Ferroni, il y a eu Scheim. Et toi, tu feras quoi? Je ferai Scheim. Non, et en gros, le truc, c'est de les interviewer, de parler de leur actu en disant alors, à l'époque, en 2017, vous aviez fait nanana, extrapoler sur leur actu de 2017 à 2050, dépeindre un futur un petit peu loufoque. Et du coup, moi, je serais un des chroniqueurs de l'émission. Et la question loufoque, hein, je crois. Et moi, je serais, en gros, l'historien. D'accord. Qui est spécialiste du passé, donc de maintenant. Quoi. Et on peut d'accord. écouter ça où ? Alors, normalement, si je dis pas de bêtises, parce que la saison 1, elle était que sur Deezer. Ouais. Ce qui est bof. Ouais, parce que ça existe pas. C'est une seule émission. Non, mais ça balance. En termes d'accessibilité, c'est... Oui, ouais, ça parce que là, cette année, ce sera Europe 2. Non, a priori, ce sera sur iTunes et tout ça. On peut d'accord. Télécharger sur... Multiplateforme, on peut le dire. Voilà, OK. Il y a ça et... Il y a ça de Bélousse. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça sera coupé, ça sera coupé, je pense. Ouais. Ouais. Elle est bien. Cette vanne sera coupée. Oh non, c'est dommage. Ah, d'accord. Je m'en fous, je suis monteur. Okay. Ah, oui. Impeccable. Impeccable. Non, sinon, je crois que c'est tout. J'ai l'impression que j'avais un autre truc, hein. Mais j'ai oublié. On va dire que c'est tout. Allez. On va dire que c'est tout. Pas mal. Pas mal. Gaël. Bonsoir. Quelle serait ton actu dans les prochains moments ? Écoute, on va balancer la suite du dessin animé, les aventures de la couille cosmique. Sans qu'on ait à payer. On va le mettre sur notre chaîne YouTube. C'est la bonne nouvelle. Batégal, à partir du 20 septembre, jour de mon anniversaire, si vous voulez me faire des cadeaux. Bien sûr. Bah, évidemment. Je te lâcherai un pouce bleu. Je veux bien. Voilà. Ça, c'est un beau cadeau, ça. Ouais, ça fait économiser pas mal. Excellent, excellent. Et donc, voilà, on va mettre la suite. Et si tout va bien, on va enchaîner avec la prod de la saison 2. Oui. Ce qui fait qu'on va diffuser un épisode toutes les deux semaines jusqu'à décembre. Oh. Et en février, on mettra la suite, donc la saison 2. Ça va vite de ouf. Qui va rentrer en prod. Et pareil, jusqu'à juin, il y aura la suite. Extrêmement vite, les animateurs, dis donc. Oui, ils sont très ils sont fouettés, hein. Ils sont une petite dizaine à travailler quand même sur ce projet. C'est super. Et voilà, on aime bien, on est content. Et puis il y a aussi la carte blanche qu'on vient de tourner, Trader Cameraman, enfin qu'on va tourner n'importe d'accord. quoi à la fin du mois. Une et version longue de Trader Cameraman. Oui, 25 super. Minutes. Très bien, Gaël. Eh bien, écoute, que d'actualité. Est-ce qu'on te repose la question à toi? Non, ou est-ce non, que ça va. Moi, j'ai pas grand-chose. En fait, le problème, c'est qu'on dit un peu les mêmes choses depuis 13 émissions, même si on en fait une tous les ans. Parce qu'on a beaucoup donc, travaillé. Donc, depuis 13 ans. Voilà, c'est ça. Ça commence à dater. Non, mais on a fait beaucoup de trucs qui prennent du temps et qui sont pas encore sortis. Donc, ça sert à rien de vous en parler maintenant. Mais effectivement, t'as fait aussi un petit rôle dans la série dont parlaient Jérôme et Adrien, toi, Gaël. Tu m'as fait beaucoup rire dedans. T'as eu une petite apparition. Avec Natou. Tout et c'est très drôle. On avait beaucoup rigolé. Ah, c'était très marrant. Merci. Et bah écoutez, merci à tous. On va se quitter avec une musique que Gaël a choisie, dont tu voulais nous parler, Gaël. Oui, c'est un groupe qui s'appelle Vin Rouge. Ouais. Ils sont de Clermont-Ferrand. Ils ont 17 abonnés, je pense. Et vaut mieux combien à Clermont-Ferrand plus ? Là, ouais, 7. 7 que par rapport à. Que 2. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Et ils sont extrêmement drôles. C'est un duo. Il y en a un qui chante et un qui fait toutes les instruments au synthétiseur. Et nous, avec mon groupe Jolamouk, on écoute ça en boucle. D'accord. C'est nos chouchous. En fait, on n'arrête pas de rire. Et j'ai choisi cette chanson parce que ça me fait penser à toi. J'ai l'impression que c'est toi qui chantes. Ah ouais. Voilà. Oui. D'accord. Bah écoute, on va écouter ça immédiatement. Formidable. Au revoir à tous. Passez une très bonne soirée. Merci à vous d'être venus. Ça a été très long comme enregistrement, mais sachez que pour les gens, ce sera très court parce qu'on va vraiment couper beaucoup de choses. Merci de nous avoir invités. Merci à vous tous. Merci beaucoup. C'était merci génial. À tous. Et bisous. Bien bonne soirée. Ciao. Bisous. Flo. On écoute la chanson. Bisous. Ouais. C'est pas ça. Salut, c'est Vin Rouge, c'est Vin Rouge mon gars. Ouais, ouais. Vin Rouge, nous sommes les Vin Rouges. Nous représentons la musique hip-hop au maximum. Si tu te poses la question, on s'appelle comme une boisson. Ouais, comme une boisson. Coca. Ok, tu apprécies l'alcool, tant mieux, car notre nom est celui d'un alcool. C'est aussi. Mieux. Oh putain, ouais. Bon, on met vraiment Vin Rouge. Bah, au revoir tout le monde, salut, ciao. Salut, c'est Vin Rouge. On est là pour faire la fête. Salut, c'est Vin Rouge. On va peut-être faire une raclette. Et ça. Mais putain. Mon frère et moi, où on est tellement pareils, où on est totalement identiques, on est vraiment pareils. Je suis pareil à lui. Pareil à moi, on est pareil que nous, parce qu'on est les frères. Ils disent jumeaux, jumeaux, jumeaux. Moi je préfère pareil, pareil, pareil. Mais ils disent jumeaux, jumeaux, jumeaux. Moi je préfère qu'ils disent pareil. Mon sœur, moi.